Non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. found sea of light. I feel I'm going down. Yes, I'm going down. I'm dreaming again. Nous venons d'entendre le groupe Elixir. Le groupe Elixir qui était notre invité de la semaine dernière. Donc ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, nous recevons des artistes régulièrement. Et puis d'ailleurs je vais reprendre la liste. J'avais pas prévu de dire dans cet ordre là, mais c'est pas grave puisque on a présenté Elixir qui était venu le 22 février. La semaine prochaine il y aura le 8 mars donc Dorenlo dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Le 15 mars ça sera Drive to Amnesia. Le 22 février ça sera Sonic Lag. Le 29 mars ce sera Chaparville. Ouais, j'ai dit février, non, mais c'était le 22 mars, donc Sonic Lag. Le 29 mars, Chaparville. Le 26 avril, nous avons le retour du groupe Jache. Et le vendredi 24 mai, BRS Band. Et le 17 mai, nous aurons l'Ajari, puisque la semaine d'après, donc ça sera la semaine, donc on les reçoit le vendredi, il y aura un autre vendredi, et le samedi suivant, donc ça sera le concert de Rockin' Redresh, donc où l'Ajari seront les invités. Voilà, depuis le début de l'émission, on a écouté plusieurs artistes, des artistes Mavrika, des artistes qui ont reçu au moins une fois le diplôme, puisqu'ils sont déjà venus dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Il s'agit par exemple d'Elsia, avec laquelle on a commencé cette émission, qui devrait pas tarder à revenir dans quelques temps. On va prendre un petit rendez-vous pour qu'elle vienne aussi, elle, nous présenter son nouveau single, celui qu'on a écouté en début d'émission, donc qui s'appelle « De cœur à cœur ». Juste après, on a écouté aussi Jack F. Alors, je crois qu'on en reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure de ce monsieur, avec un morceau qui s'appelle « Tant besoin de toi ». On a écouté aussi un groupe que j'adore, que j'ai eu l'occasion de voir dernièrement en concert, toujours avec autant de plaisir. C'est le groupe Prisma, donc, avec « Way of Life ». Et c'est le titre de leur nouvel album qui était venu présenter il y a quelques semaines. La semaine dernière, donc, c'était Elixir. Le morceau qu'on a écouté, c'est Blizzard. Et juste après, on écoutera encore deux autres artistes que nous avons reçus dernièrement. The Tanguy and Tom Trio avec I Ain't Have No Loving. Et Les Tranches à Calice Press avec La Faute au Photographe. Vous êtes dans l'émission Mavrika, c'est tous les vendredis à partir de 19h. On est ensemble pour 3 heures de musique, 3 heures de très bonne musique. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons des invités ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Alors nous avons un groupe qui est venu il y a quelques temps. Ils étaient deux, cette fois-ci ils sont trois. La prochaine fois j'espère qu'ils seront à quatre au complet. En tout cas on a beaucoup de plaisir de recevoir dans cette émission numéro 585 le groupe The Uncle Bikers avec nous. Voilà, restez avec nous jusqu'à 22h. Vous êtes en bonne compagnie, mettez-vous à l'aise. Vous êtes chez vous, mettez le son un peu plus fort. Qu'importe ce que disent les voisins, vous êtes dans l'émission Mavrika. I hate to have a loving. I hate to have a loving. I hate to have a loving. Can't get it off of my mind. De l'autre côté, cette grande artiste rom, ta chanteuse préférée. Tu te lances à l'attaque, alors sans hésiter, tu vas lui demander son plus bel autographe, son plus bel autographe. L'auto est arrivé d'un coup sans crier gaffe, et elle t'a renvoyé la roue parmi les astres, tes chanteuses préférées. Tes chanteuses préférées, c'est la photo auto, la photo auto off, c'est la photo auto, la photo auto off. Tu roules à moto à fond brûlant l'asphalte, tout en haut d'un coteau, tu croises la blondasse, elle est fait de l'auto. Stop en robe de strass, stop en robe de strass. Tu tournes si boulot, ta moto perd la trace. Fonçant sur le poteau, le seul point qui dépasse. Ton âme s'évade en haut, 70 pétasses. Attends les gogos. Attends les gogos. C'est la photo poteau. Poteau du télégraphe. C'est la photo poteau. Poteau du télégraphe. Derrière les rochers, dans ce pays de soif. Ton fusil à tes pieds, tu te fais mitrailler par tous ces photographes. Elle t'a demandé de bien te redresser. La belle photographe, la belle photographe. Ton arme bien braquée vers son corps élancé. Mais le sniper d'en face te dégomme vite fait. Te dégomme vite fait. C'est la photo photo, la photo photographe. C'est la photo photo, la photo photographe. À pied vers les maisons derrière pour voir ta fiancée au bout d'une rue de terre. Des rangs de barbelés se dressent en travers. Ton bled est partagé. Ton bled est partagé en deux par la frontière qu'on vient de dessiner juste depuis hier. Tu essaies de passer dans un bruit de tonnerre. Une mine t'arrache un pied. Une mine t'arrache un pied. C'est la photo top. La faute au topographe. C'est la faute au topo. La faute au topographe. Groupe Tranche Chacal Express, ils étaient avec nous il y a quelques temps, c'était le 2 février, donc le groupe était venu là au complet, et il est composé de deux personnes, hein, Marie et Jean, qui nous ont fait découvrir tout l'univers de ce groupe, hein, bien sympathique en tout cas. Moi j'aime bien écouter les paroles parce qu'à chaque fois je découvre des nouvelles choses. Je sais pas si vous avez fait attention à ce que disent les paroles, voilà. On va dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, puisque vous le savez, tous les vendredis, on aime bien recevoir des artistes, hein, c'est pas forcément à chaque fois, mais dernièrement, effectivement, l'agenda est bien au complet. Et ce soir, comme je vous l'ai dit, pour cette émission numéro 585, nous recevons le groupe The Uncle Bikers, et on va les retrouver rapidement dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. La petite musique de fond. Voilà, c'est parti. Donc ça, c'est la petite musique de fond qui nous dit qu'on va dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Nous allons accueillir donc nos invités. Ils sont au nombre de 3 ce soir, même si le groupe est composé de 4 personnes. Il s'agit des Uncle Bikers. Bonsoir les Uncle Bikers. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bon, ça me fait plaisir de vous avoir ce soir. Alors déjà, la dernière fois, vous étiez venu. Alors j'ai regardé tout à l'heure parce que moi, je fais mes recherches en même temps que je prépare l'émission. Et c'était dans l'émission numéro 507. C'était en 2022, ouais. Donc c'est vrai que le temps passe vite, hein. C'est vrai, oui. Que j'ai l'impression que c'était hier, donc c'était le vendredi 29 avril 2022. Donc aujourd'hui on est en 2024, et puis il était temps que vous reveniez dans les studios. On est ravis d'être là, et puis c'est toujours un plaisir, Albino. Toujours. Voilà, moi c'est pareil, hein. Voilà, c'est vrai que vous avez pris l'habitude de venir nous donner des nouvelles régulièrement du groupe. Oui, oui. Suite à votre passage dans l'émission, il y avait eu un concert aussi. Il y en a eu plusieurs, mais c'est vrai que celui où j'ai pu assister, au Dropkick. C'était au Dropkick, ouais, ouais. Tout à fait. Ouais. Avec, on partageait le plateau avec. Paradox. Le groupe Paradox. Mmh. Oui. Très bien, donc des bons souvenirs. Oui. C'est vrai que il y a eu entre-temps il y a eu d'autres concerts, je suppose aussi. Oui, bien sûr, oui. Puis il y a il y a eu des concerts bien sûr, mais il y a aussi eu un deuxième disque. Oui, tout à voilà. Fait. Alors je regardais tout à l'heure, ça s'appelait les Uncle Bikers, le premier album s'appelait Never Stop. Never Stop. Oui. Effectivement, vous n'êtes pas arrêté là. Non, ça s'arrête jamais en fait. Vous n'arrêtez jamais. Et le premier titre, c'est celui qu'on écoutera juste tout à l'heure, avant de présenter le nouvel album, c'est Never Come Back. Never Come Back. Bah, comme quoi, c'est faux, puisque vous êtes revenu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Donc, vous êtes au nombre de 3. Hein, la dernière fois, donc la première voix qu'on entend, c'est Jack. Hein, oui, Jack, voilà. Février. C'est ça. Mais je vais laisser la parole aux deux frangins. Aux deux frangins. Ouais, puisque, en fait... ce sont eux qui ont créé le groupe, donc je leur laisse la parole. Voilà, c'est parti. Bon, comme je suis l'aîné, je m'appelle Hervé, je suis bassiste. Mmh. Voilà, donc effectivement, c'est une formation qu'on a débutée il y a une quinzaine d'années. Et voilà, et depuis presque 4 ans, on est avec Jack et Jean-Pierre, guitariste liste, nous a rejoint il y a 2 ans à peu près. Et je considère que là, on est dans la formation idéale et énergique et puissante, et je suis très heureux. Donc, je vais laisser la parole à mon frère. Oui, merci frère. Voilà, je suis Pascal. c'est moi, effectivement, je suis batteur dans le groupe. Mm-hmm. Et puis j'essaye de couiner un petit peu dans le micro aussi de temps en temps, quoi. Oui. Donc ça, et j'adore ça en plus. Donc ça, c'est génial. Ensuite, oui, je pense que là, on avait vraiment trouvé notre unité, hein, parce que franchement, là, depuis, on peut vraiment dire que depuis 2 ans et demi, 3 ans, là, ça commence à envoyer un peu du lourd, quoi. Et puis surtout, c'est qu'on se fait très très plaisir, quoi. Ça, c'est le maître mot, hein, c'est ce que vous transmettez, en tout cas, parce que quand vous faites quelque chose avec plaisir, les gens, ils ont aussi le plaisir à le recevoir. Donc quand ils vont vous voir au concert, ça se ressent, ça. C'est, vous êtes, ouais, bien ensemble, vous aimez la musique, vous avez envie de la partager, vous faites des compositions, des reprises, voilà, et tout est au complet. Il y a, oui, des tout à fait, ouais. Voilà. Le groupe, il existe depuis combien de temps? On va rappeler un petit peu, parce que depuis 2022, alors, les gens se souviennent peut-être pas. The Angle Backers, vraiment, quand ça a vraiment commencé, on va dire, ça fait à peu près 5 ans. Mm-hmm. Avant, bon, on jouait entre potes, on faisait des petits concerts, chacun venait, d'autres partaient, et ainsi de suite. Mais là, vraiment, on s'est attelé. En fait, on va le dire, hein, je sais qu'il est à côté de moi, mais ça coïncide un petit peu avec l'arrivée de Jack, hein, quoi. C'est clair que voilà. Et puis on se souvient très très bien de la première répète qu'on a fait ensemble, et d'un seul coup on s'est tous regardés, on s'est dit ah là il y a quelque chose. Ouais. Et puis, depuis, ça s'est un peu vérifié, quoi, parce que on passe beaucoup de temps ensemble, voilà, on se voit toutes les semaines, on bosse et tout ça, je veux dire, moi, dans la joie et la bonne humeur, voilà. Donc, et puis surtout, on prend vraiment du plaisir à jouer ensemble. Voilà. Très bien. Le Jack, on le connaissait déjà. Tout à l'heure, au fait, on a passé un morceau de Jack F aussi. Oui. Donc, je pense que tu connais ce monsieur-là aussi. Oui, absolument. Oui. C'est un autre projet que t'es déjà venu. C'est un autre projet, oui, ouais. Qui a en fait. Pas grand chose à voir avec. Non, justement, c'est quelque chose de complètement différent. Oui, absolument, oui, puisque ça reste avant tout de la chanson avec des textes en français. Enfin bon, c'est un autre projet. Bon, je suis pas là ce soir pour en parler. J'ai fait exprès de le passer tout à l'heure un petit peu parce que je me suis dit c'est un petit clin d'œil comme ça. Donc on va revenir aux Angle Backers. Donc le groupe depuis qu'ils t'ont accueilli dans leur, il y a une alchimie qui a fonctionné tout de suite. Et depuis vous répétez toutes les semaines. Hein, oui, apparemment. C'est vrai que bon, il y a quelque chose de bon, la musique bien sûr c'est important, mais il y a quelque chose qui, à mon sens, qui est très importante, c'est les rapports humains. Mmh. On est d'accord. Et c'est surtout, en tout cas, c'est ma perception. Hein, c'est surtout ce que les gens dégagent. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré Hervé et Pascal, et à l'époque il y avait un autre guitariste que Jean-Pierre, c'est vrai que quand j'ai passé l'audition, parce qu'il cherchait un chanteur. Et c'est vrai que tout de suite j'ai senti, et je pense que eux aussi, il y a eu une espèce effectivement de connexion et d'alchimie qui s'est faite, et on est parti là-dessus. En plus, le répertoire me convenait, donc, en tout cas pour ma tessiture de chant. Et voilà, donc on est parti là-dessus. Après, bon, il y a eu des mésaventures. Le guitariste est a quitté le groupe. On a fait le premier album un peu, je dirais, un peu à l'arrache, parce qu'en fait, on s'est retrouvé à trois en studio. Donc j'ai été obligé de faire toutes les guitares, mais avec la volonté d'être de toute façon au final à quatre. Et donc je connaissais effectivement le guitariste Jean-Pierre pour avoir déjà joué avec lui, et puis j'ai pris mon téléphone, je lui ai téléphoné, je lui ai dit écoute, je viens de rencontrer des gens, c'est vachement sympa, ça joue bien, si t'es disponible, y a une place de soliste à prendre, et puis voilà, on est parti, c'est parti comme ça. Et bon, depuis, ça n'a pas bougé, hein, donc c'est sympa, hein, voilà. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, le premier album n'était enregistré avec uniquement toi à la guitare, c'est ça? Oui, alors, mm-hmm. En fait, il y a quatre prises faites en studio, mm-hmm. Où effectivement, je fais toutes les guitares, et il y a deux prises live qui ont été enregistrées pas en concert, mais qui ont été enregistrées en résidence, juste avant un concert. En fait, on va dire que c'est un peu comme des balances, où là effectivement Jean-Pierre est présent. Donc c'était un peu, on était à la charnière en fait. Et puis sur le deuxième disque, bien sûr, on est à quatre. Vous êtes à quatre. Un nouvel album donc qui est sorti. Alors le premier était sorti quand En 2021. 2021. Fin 2021. Oui, parce que on a fait une partie des enregistrements avec des laissés-passer parce qu'il y avait encore des problèmes avec le Covid. Mm-hmm. Et on a fait le concert au Plan, c'était au mois de juin, et c'était le premier jour de déconfinement, je crois, où on pouvait aller dans les salles de concert. On avait joué d'ailleurs avec une jauge réduite. Et voilà, c'était donc ça. Les mauvais souvenirs qui nous reviennent à le Covid, tout ça, c'est. Enfin, bon, ça nous a poussé à la créativité parce que on passait du temps à s'enregistrer, à s'envoyer des bandes et à travailler sur les compositions. C'était plutôt positif. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'on était heureux de pouvoir remonter sur scène, de voir des gens et de pouvoir se retrouver à nouveau en studio de répétition. Ça a été important aussi. Voilà, bon, et puis c'est l'ordre des choses, hein, il faut accepter. Mais pour revenir à l'accueil entre guillemets qui avait de Jack dans le groupe, en fait nous aussi c'était c'est une évidence aussi que les rapports humains c'est au centre de toute aventure collective et la musique en est une ou on peut en être une. Et bien sûr, tout de suite, on a senti qu'il y avait quelque chose qui allait au-delà de la musique. Et particulièrement, mon frère et moi, nous, on n'a pas la même formation musicale que Jack, qui est quand même un talentueux musicien et compositeur et auteur. Et quand il est venu, il a fait preuve de beaucoup d'humilité. Il remplissait son rôle de chanteur et il faisait de la guitare rythmique, etc. Et puis le jour où on s'est retrouvés à trois pour l'enregistrement, là, Pascal et moi, on a été impressionnés par sa capacité à jouer de la guitare solo, de pouvoir varier les types de guitares, que ce soit la dobro, la guitare sèche, la guitare en open, enfin bref. Et là, moi j'ai pris ça comme comme un cadeau pour nous qui sommes pas des musiciens avec ce niveau de formation. Moi j'ai pris ça pour un cadeau de la part de Jack. Et l'aventure a fait que JP, le guitariste soliste, aussi est arrivé au dernier moment, venu sur scène pour jouer avec nous dans des conditions qui étaient totalement imprévisibles. Et il s'est adapté, il a donné ce qu'il pouvait donner, il a donné beaucoup à ce moment-là. Et ça nous a plu aussi. Et presque trois ans après, on est sur le même bateau pas sous qu'est ferme, mais à avancer, et on est très heureux, quoi. Voilà, donc c'est pour ça un disque ça dit plein de choses, parce que finalement je vous fais parler de ce premier album et là donc vous nous avez raconté l'histoire, parce que c'est un album charnière finalement, ouais, entre le moment où vous étiez trois et vous êtes passé, ouais, à quatre, ouais, et puis là maintenant c'est la confirmation, donc quelques années après. Il est sorti quand le deuxième album? Il est sorti octobre 2023. Octobre 2023, ouais, donc voilà. Il est tout récent, hein. Ouais. On l'a réalisé comme c'était le même principe que le premier, une résidence dans un studio d'enregistrement avec la finalité de faire un joli concert sur la scène du Plan à Ris-Orangis. Ça a pris quelques mois, donc on a fait beaucoup de séances de studio. On a travaillé avec des jeunes ingénieurs du son qui passaient leur diplôme de fin d'année avec cet appui et cette découverte d'un groupe qui les emmenait en studio jusqu'à une scène. Donc ça a pris quelques mois et c'était une belle, encore une fois, on a eu la chance de le faire deux fois et si on doit le faire une troisième, on dira pas non. Très bien, donc cet album il s'appelle Riding All Night, donc oui, les Uncle Bikers, c'est toujours le clin d'œil à la moto, hein. Oui, oui. Le vrai motard, c'est mon frère. C'est voilà, Pascal. D'accord. Oui, mais c'est surtout, je pense, c'est la liberté surtout. C'est la liberté, et puis c'est souvent associé au rock'n'roll. Hein. Tout à l'heure, on a passé un morceau justement des Prisma, et dans leur pendant leur concert, ça fait déjà deux fois que je les vois, et ils ont une chanson qui est dédiée justement à la moto, dans laquelle on entend la moto qui démarre et tout ça, et à chaque fois ils disent voilà qu'est-ce qu'on associe avec le rock'n'roll. Alors les gens ils disaient le sexe, ouais. La drogue, il dit non, la drogue non, c'est pas bien la drogue, pas bien. Et le troisième, la moto, oui, la moto, oui, c'est vrai, c'est associé forcément, c'est la musique des bikers. Il y a pas mal d'endroits où ceux qui sont tenus par des bikers qui font, ouais, venir des ouais, groupes, ouais. Souvent c'est quoi, c'est du blues, du rock'n'roll, ouais, voilà, c'est la musique qu'on aime, quoi. On en a fait quelques-uns, ouais, dans des clubs de motards, et puis c'est vrai que effectivement c'est une musique qui correspond bien à l'esprit global. Ouais. Très bien. Donc, ce que je propose, c'est qu'on écoute un premier morceau. Donc, le premier morceau, justement, c'est un morceau que j'ai sélectionné du précédent album. Donc, l'album s'appelle le Never Stop. Et le morceau que je vous propose d'écouter maintenant, c'est Never Come Back. Et ce sont les Uncle Bikers dans les studios de Radio Arc-en-Ciel dans l'émission Mavrica. Voilà, c'est parti. On écoute tout de suite le premier morceau. Premier morceau que nous écoutons des Uncle Bikers dans cette émission numéro 585. Donc ils sont avec nous jusqu'à 22h et on va leur poser plein de questions parce que le but de l'émission c'est de connaître tout leur univers. Donc tiré de le premier album qui s'appelle Never Stop. Donc on vient d'écouter un morceau qui s'appelle Never Come Back, un morceau qu'on a déjà diffusé dans l'émission Mavrica un bon paquet de fois parce que je la connais très bien. Voilà, et puis là le nouvel album donc qui est sorti, c'est un nouvel album qui est sorti donc au mois d'octobre 2023. Il s'appelle Riding All Night et c'est un morceau c'est un album qui contient 6 morceaux. Voilà. Voilà. Et donc, vous avez bien travaillé. Alors, il y en a certains que je connais déjà, que je diffuse déjà depuis pas mal de temps. Et là, il y a l'intégralité. Donc, on va pouvoir les écouter tous, pendant cette émission. Avec plaisir. Alors, les morceaux qui sont dessus, c'est tous des compositions? Oui. Alors, il y a une petite différence avec le premier album. C'est que sur le premier, en fait, j'avais écrit toutes les chansons, composé toutes les musiques. Et la dernière fois qu'on est venu ici, on commençait déjà un peu à envisager d'enregistrer un deuxième disque. Et j'avais dit, ah, je pense que ça sera peut-être un peu différent dans le sens où je pense qu'on travaillera avec Jean-Pierre, le guitariste soliste. Et effectivement, il y a deux titres sur les six titres, il y a deux titres où je n'ai écrit que le texte. Et c'est Jean-Pierre qui a écrit la musique. Voilà. D'accord. Et puis les quatre autres, c'est effectivement paroles et musique, c'est moi. Mais j'avais la volonté, en fait, je pense que c'est en fait une volonté commune avec Hervé et Pascal, c'était d'élargir un peu le champ. Et puis de que chacun apporte ses idées et sa sensibilité sur le projet. C'est plutôt moi je trouve que c'est plutôt positif. Voilà. mais sinon effectivement ce ne sont que des compositions du groupe. Oui, c'est vrai. D'accord, bah super en tout cas. Donc six morceaux que vous avez enregistrés donc dans des bonnes conditions. Et donc je suis en train de regarder le nom et je vois qu'il y a aussi un monsieur qui apparaît aussi sur les enregistrements, c'est monsieur Ben Le Marchand. Oui, absolument. Il me semble que je connais un peu ce monsieur là aussi. Oui, bah oui, moi aussi parce que bon, on a quand même travaillé quelques années ensemble à l'époque du trio Stinger. Là, l'histoire, en fait, c'est que une fois qu'on a terminé l'enregistrement du disque, bon, ensuite il y a eu les opérations de mixage, de mastering, etc. Et l'échéance, en fait, de fin de parcours, si je peux dire, à l'EMC, l'école d'ingénieurs du son de Malakoff, c'était un concert au plan qu'on devait donner au mois de juin 2023. Voilà, merci Hervé. Et manque de chance, Pascal, le batteur, a eu un problème de santé et il a été obligé de lâcher les baguettes pendant un certain nombre de semaines. Et pour ce concert au plan, donc en catastrophe, j'ai demandé à Ben Le Marchand si je voulais bien me filer un coup de main. D'ailleurs, je salue ici, et je pense que mes collègues sont d'accord avec moi, je salue ici le... Merci Ben. Ouais, le boulot qu'il a fait, merci, je sais pas s'il nous écoute, mais en tout cas, ouais. Merci Ben, à la fois pour ta gentillesse, ton amitié, et puis pour ton excellent niveau à la batterie, parce que en fait je lui ai envoyé les fichiers 3 semaines avant le concert, on n'a pas répété du tout, je lui ai dit écoute voilà, là tu, si tu fais ça tu me sauves la vie, et il l'a fait, bravo Ben et merci. Voilà, donc Ben s'il nous écoute, ben il voit que il pourra recevoir tes remerciements, surtout qu'il était là dans les semaines qui sont passées à 2 reprises, hein, puisqu'il fait partie aujourd'hui du groupe Prisma, le groupe Prisma qu'on a reçu, tiens, je l'ai pas marqué là-dessus. Non, c'était encore antérieur. Et on l'a reçu aussi dans le groupe Will and Guys. C'était le 16 février dans l'émission Mavrika. Voilà. Donc on lui fait un petit coucou et puis en tout cas on est très content de connaître cette bonne personne. Absolument. Voilà. Oui, on peut dire que du bien. Ouais. Très bien. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous vous retrouvez une fois par semaine. Comment ça se passe pour les répétitions ? Eh ben, on se retrouve dans un studio parisien. D'accord. Voilà, une fois par semaine. La répétition est pas faite pour travailler sa guitare ou son instrument. Hein. Non, ça vous travaillez à la maison. Il est bien d'accord. On est bien d'accord. Oui, c'est il y a le travail en amont. Non, c'est plutôt pour affiner certains arrangements et puis pour faire des filages et aussi notamment pour les filages pré-concerts en fait. Voilà, ça dépend des circonstances. Quand on a des échéances assez rapprochées, on travaille comme c'est le cas, on a un concert le 9 mars. Donc là, mercredi dernier, on a une liste de morceaux, un peu plus de 30 morceaux qu'on doit jouer sur scène. Et donc l'idée c'est pendant 2 heures de travailler une partie de la liste et puis mercredi prochain on finira la liste et voilà, ça nous permet d'entretenir la cohésion parce que on peut avoir un travail individuel qui est bon, je pense pour chacun des musiciens est presque quotidien, Mais si on joue pas pendant deux, trois semaines, voire pendant les vacances, ça peut durer un mois ou un mois et demi, on sent qu'il y a des choses qui se déplacent, et quand on joue régulièrement, c'est on sent beaucoup plus de choses aussi, et ça permet d'asseoir l'affaire. Très bien. Donc ça permet d'étoffer aussi toute la setlist, puisque là, même en tant que morceau de reprise, ça permet de travailler des nouvelles reprises et ainsi de suite. Donc ça, c'est quand même bien pratique, quoi. Enfin, en gros, ça bosse, quoi. Hein, ouais. Oui, c'est ce que je vois. Et, effectivement, voilà, musicien, moi, j'imagine que c'est un travail sans arrêt, quoi. Vous êtes toujours en train de vous améliorer, en train de chercher à aller plus loin. Alors, moi, ce qu'on m'a dit un jour, c'est qu'en fait, on perd plus vite que l'on progresse. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, si on joue pas, on perd ça très vite. Ouais, c'est Arthur Rubinstein. Un jour, j'avais vu une émission, il parlait du piano. Il avait 90 ans, il jouait du piano depuis qu'il avait, je crois, 6 ans ou 7 ans. Il avait joué quasiment tous les jours. Et il disait, ouais, quand je joue pas du piano une demi-journée, je le sens. Ah bah oui, après, c'est un manque, hein, en même temps. Donc, je me dis, on en est loin, mais ça signifie certainement quelque chose. Oh, il doit se lever la nuit pour aller jouer un petit peu, tant ça doit le gratouiller un petit peu. Ah bah, je sais pas, il est mort, il continue à jouer avec. J'en suis sûr, j'en suis certain. Très bien, voilà, on a parlé un petit peu de cet album. Alors, on a encore plein de choses à découvrir. Alors, depuis que vous avez fait cet album-là, aujourd'hui, vous avez fait combien de concerts aussi pour défendre le nouvel album? Alors, j'ai pas mon agenda sur... depuis sa sortie, je sais pas, on a dû faire à peu près un peu plus d'un concert par mois. Donc, oui, c'est ça, oui. 5-6 concerts. 5-6 concerts, oui. Voilà. Et donc, on est heureux parce que justement, dans le répertoire, maintenant on fait des concerts, là, c'était le cas, on est allé dans une association de bikers, les Bad Scouts Brothers, et là, ça nous permet de pouvoir jouer avant sur la setlist qu'on proposait, il y avait essentiellement des reprises, et là, on arrive à placer nos compositions qui se fondent avec le répertoire qu'on avait de reprises. Et on prend aussi du plaisir à jouer ce qu'on a arrangé, composé, ça c'est une évidence. Et ça colle très bien avec le reste des reprises. On est assez bon pour, éditer, enchaîner les morceaux pour que ça soit cohérent du début jusqu'à la fin. Mmh. Voilà. D'ailleurs, c'est bluffant parce que moi j'ai déjà eu l'occasion de vous voir sur scène, et c'est vrai qu'il y a des morceaux qui disent ça c'est une composition, ah ça c'est une reprise. Et des fois on a un petit peu le doute parce qu'on voilà, vous arrivez à mêler un peu les deux, et puis oui, enfin il y a une homogénéité en fait. C'est un peu le but, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de choses qui dénaturent un peu l'esprit global du groupe. Alors puis c'est vrai aussi une chose, c'est que les reprises, on n'est pas un tribute band. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, les morceaux, les reprises, on se les accapare. On respecte les structures. Ah, il y a un drôle de bruit là. Ah bah. C'est l'orage. Je pense qu'il pleut, mais on a même presque de la gueule. On devrait passer Riders on the Storm. C'est vrai que ça fait tout à fait. C'est impressionnant. Ça. Je pense que c'est même de la grêle. Ouais, c'est de la grêle. Je crois que c'est même de la grêle. Ouais. C'est vrai que depuis qu'on fait l'émission, on a rarement été embêté par. Mais c'est ça, de retourner avec un le biker, c'est toujours des calamités qui arrivent. En fait, j'ai chanté, c'est pour ça. Ouais. Bon, c'est pas bien grave ce qu'on va faire, justement. On va interrompre un petit peu le dialogue, puisque là, ça devient un petit peu compliqué. Et on va découvrir le premier morceau. Donc, du coup, ça s'arrête. Hein, et il suffit qu'on parle de bonne musique, et voilà, l'orage s'arrête. Ça ne va pas nous empêcher d'écouter donc le premier morceau, un morceau que je diffuse déjà depuis plusieurs semaines, s'appelle « As long as I can run ». Ça veut dire « tant que je pourrai courir », c'est ça, hein. C'est ça. C'est ça. Donc tant qu'on pourra courir sous la pluie, on va le faire. Voilà, vous écoutez l'émission Marika aujourd'hui, c'est la 585e, et nous recevons « The Uncle Bikers ». to keep out of your game. Keep out of your game. Voilà, donc on a écouté deux morceaux à la suite. Vous êtes bien dans l'émission Mavrika, c'est sur Radio Arc-en-Ciel, 96.2 MHz, et sur le www.radio-arc-en-ciel.fr. Voilà, on est dans la région d'Orléans, et nous recevons un groupe qui vient de la région parisienne, qui ont fait un petit peu de route. La dernière fois qu'ils devaient venir dans le studio, il y a eu quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Voilà, ça se passe comme ça dans l'émission Mavrika, ça se passe comme ça dans la vraie vie. Simplement, c'est qu'il y avait la grève des agriculteurs, donc vous n'avez pas pu venir, tout était bloqué. Oui, oui. Alors on s'est dit, bon, on va remettre ça une autre fois. Et aujourd'hui, vous êtes donc avec nous pour nous présenter le nouvel album qui s'appelle Riding All Night. Vous n'êtes pas venu à moto, hein? Non. D'ailleurs, moi j'aurais du mal, j'ai pas le permis moto, donc. Voilà. Bon. Et en plus, il y a un commentaire de monsieur Pascal Depardet qui est le contrebassiste du groupe Soon Camille et qui nous dit bonne émission, j'ai cru que mon poste à galène avait merdé, mais non, c'était la grêle. Ouais, les micros sont bons, ils ont bien capté le son de la grêle. Et effectivement, on vient d'avoir une très grosse averse et puis ça nous a permis d'écouter de la bonne musique. Puisqu'on a écouté deux morceaux, The Uncle Baker avec As Long As I Can Run et suivi des Stinger avec All Along the Watchtower. Et c'était une reprise de monsieur Bob Dylan. C'est ça. Voilà. C'est ça. Ouais. Donc, un standard de la musique, hein. C'est vrai que. Oui. C'est... À la sauce Stinger, voilà. C'est ça, oui. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. J'aime bien. Me prendre les standards, les reprises et puis les arranger un peu à notre sauce, quoi. Voilà. Très bien. Et on peut rappeler aussi les Stinger. C'est un groupe qui était composé de toi, Jack. Oui. Il y avait aussi Bruno Manzini, qui était le bassiste. Oui. Et il y avait Benoît Lemarchand, qui était le batteur. Voilà. Le batteur, oui. Donc c'était un trio. Qui on voyait bien, c'était Power Pop Trio. C'était ouais, je me souviens. Le Power Trio. Ouais. Bon, c'est vrai qu'on a eu quelques belles années. Mm-hmm. Beaucoup de concerts. Dans la région d'Orléans, bien sûr, mais aussi en Touraine, dans Lyon. On a eu quelques belles années. Et puis la vie a fait que, les chemins se convergent et divergent. Voilà, c'est comme ça. C'est la vie. Voilà. C'est la vie. Très bien, c'est la vie des artistes et c'est aussi la vie de tous les jours. C'est vrai qu'on a des amis des fois avec lesquels qu'on côtoie longtemps et puis après on les voit plus et puis c'est d'autres personnes qu'on rencontre au hasard des rencontres. Oui, absolument. De toute façon, la magie du truc, c'est forcément les rencontres. Hein. Donc d'ailleurs la preuve avec Hervé et Pascal. Mais oui, voilà, c'est comme ça. Bon, les chemins se séparent et puis voilà quoi. très bien. Donc, on va continuer à découvrir cet album. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme projet? Donc, l'album, déjà, le défendre sur scène. Est-ce que vous avez des dates de concert? Alors, on joue le 9 mars. Donc, d'accord. En Seine-et-Marne, dans un café associatif qui s'appelle la Conserve à musique. Voilà. Et puis ensuite, on a des dates qui se profilent à l'horizon, mais il y a beaucoup de choses en stand-by. Mmh. Parce que, le démarchage, ça apprend la patience. Parfois, on attend des réponses, et parfois elles tardent à venir, et puis subitement, ça se déclenche, et puis il y en a 4-5 qui tombent d'un seul coup. Oui. il n'y a pas de règle, quoi. D'accord. Mais oui, il y a des projets de scène. D'ailleurs, il y a même déjà des dates bookées à l'automne. Mmh. Et donc, qui c'est qui s'occupe justement des démarchages pour On va dire que c'est Jack. Alors, aussi, et puis mon frère, le bassiste, je sais pas ce qu'il fait. Alors, le guitariste, j'en parle même pas. Non, mais Jack connaît bien le. Ce milieu pour avoir joué beaucoup de concerts un peu partout, donc il a des contacts anciens et il cherche effectivement à les réactiver pour certains, mais surtout des contacts nouveaux. Oui. Et c'est ça le plus difficile, quoi. Oui. Parce qu'il y a des salles un peu partout mais les programmations elles sont très aléatoires, quoi. Ouais, de toute façon il faut pas se cacher. C'est compliqué quand même, quoi. De toute façon, la musique là, de trouver des salles, des endroits où jouer. Depuis le Covid, c'est chaud. Il y a eu quand même un changement là depuis ces dernières années. Ça devient plus compliqué. Ça devient plus compliqué. Et puis au-delà de, il y a quand même une chose qu'il faut noter, c'est que au-delà de la difficulté de prospecter et de signer les dates, il y a aussi un problème, mais ça qui est côté organisateur, qui est côté diffuseur, c'est que la fréquentation des lieux est pas forcément toujours au rendez-vous. Moi je sais que je connais plusieurs associations qui cette année sont un peu en stand-by parce que d'une part la fréquentation des salles est moindre et en plus de ça ils trouvent plus de bénévoles. C'est pareil. Pour faire tourner quelque chose, alors faire tourner un groupe c'est compliqué, mais je pense aussi aux organisateurs. Pour eux, c'est assez compliqué aussi. C'est pas une période qui est très facile. Ouais. Effectivement, parce que pour organiser comme ça, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut toujours avoir des moyens, parce que tout n'est pas gratuit, donc il y a quand même un minimum pour l'organisation. C'est pour ça qu'on demande à l'entrée une participation aux frais, c'est-à-dire que voilà, les gens qui viennent, c'est pour aider. Hein. Les musiciens souvent s'enrichissent pas. Il y en a comme ça, ça leur permet de vivre de leur passion de payer quand même les frais, etc. C'est ça. Et puis après, l'organisation aussi demande pas mal de choses. Hein. Moi, en tant qu'organisateur dans l'association Mavrica, je vois bien aussi quand on fait les Mavrica Live, tout n'est pas gratuit, il nous faut des bénévoles. Donc on a des gens qui travaillent gratuitement pour nous, pour réussir à faire nos événements, avec très peu de moyens, il faut le savoir. Et après, il faut aussi louer une sono, et on a la chance d'avoir une salle qui est prêtée par la chapelle Saint-Mémin. Il faut payer aussi des assurances, il y a la SACEM aussi à payer, il y a un tas de choses à payer, et on gagne très peu d'argent, on gagne tout juste assez de quoi faire un autre événement, et encore, des fois, on est obligé d'en rajouter un petit peu, ça marche comme ça, il faut savoir. Alors, ça, je parle pour les associations. Alors, forcément, les professionnels, eux, cherchent des gens qui vont remplir des salles pour se faire de l'argent, mais c'est encore un niveau au-dessus, moi, parler avec plusieurs personnes justement, et puis dans Jack F d'ailleurs notamment, puisque je travaille avec des professionnels, même pour les professionnels c'est très dur. C'est très dur, on en parlait il y a pas très longtemps ici dans l'émission. C'est-à-dire qu'il y a des musiciens hors pair qui jouent et qui ont leur formation et tout ça, et ça marche pas plus que ça. Ils sont obligés de participer à des émissions comme The Voice, Star Academy, pour accompagner des artistes pour pouvoir vivre de leur de leur métier, quoi. Donc c'est, enfin, ça devient compliqué. Quoi qu'il en soit, effectivement, bon, suite à la sortie de ce deuxième disque, bon, il y a des projets, il y a plein de choses, il y a plein de choses en route, plein de choses en stand-by, et puis pourquoi pas élargir le répertoire avec de nouvelles compositions, et comme le disait Hervé tout à l'heure, pourquoi pas retourner en studio. Donc voilà, c'est pas les projets qui manquent, hein. C'est pas les projets. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a quand même deux albums qui sont sortis. Bon, vous les sortez quand même assez régulièrement. Donc pour l'instant, il y en a deux en peu de temps. C'est beaucoup de travail parce que il y a certains groupes qui en sortent plus souvent, d'autres un peu plus c'est plus espacé. Là, je pense que c'est pas mal, hein, comme ça. Oui, bah le rendement, oui, c'est. On parle de rendement. On est dans l'industrie de la musique. Non, c'est vrai que c'est aussi une question d'opportunité, en fait. Mmh. Ouais, parce que j'ai un contact avec le directeur de l'école d'ingénieurs du son de Malakoff. Ouais. Ça, donc, c'est un super truc, hein, quand même. Donc, ça vous permet d'avoir des superbes enregistrements. Il faut quand même le dire. Le son, il est excellent. Hein. Et en fait, le premier disque, c'est moi qui lui avais demandé, est-ce qu'on pourrait faire un disque, etc. Et le deuxième, c'est lui qui m'a sollicité. D'accord. Et j'ai rien eu à faire. C'est donc une bonne rencontre, encore une fois de plus. Et absolument. Puis, la première fois, c'est toi qui avais besoin de quelqu'un. Et puis là, finalement, c'est un petit peu... Vous êtes complémentaires, quoi, finalement. Vous avez besoin l'un de l'autre. C'est encore une fois, là, je le disais tout à l'heure, c'est aussi une question de relations humaines, parce que le directeur de l'EMC à Malakoff est une personne charmante, est très sympa et très compétent, et le courant est passé tout de suite, donc ça s'est fait facilement, sans douleur et vraiment sereinement, voilà. Ouais, très bien. C'est des moments qui sont très sympas à vivre, hein, je veux dire. Mmh. Franchement, et puis c'est la rencontre un petit peu, parce que bon, nous on n'est pas des perdants de l'année, si je puis dire. Bon, un certain âge, hein. Voilà. C'est pas pour toi. C'est qui a la retraite, là? Non, mais tout ça, juste pour dire ce qui est intéressant, justement, avec cette école de musique aussi, là, c'est le mélange, en fait, justement, des générations. Parce que les ingénieurs de son avec lesquels nous travaillons, ils ont quoi? Ils ont 18, 19 ans, 20 ans. Et c'est leur dernière année de cursus. Et de pouvoir échanger justement sur la musique, c'est très très intéressant, à tel point que bon, nous, ça, c'est, je pense que ça aussi, ça fait plaisir au directeur de l'école, mais nous, ça se passe toujours super bien, quoi. Et puis à tel point que généralement on se voit toujours après, quand le disque sort, on se fait des soirées avec les ingé-sons, ainsi de suite. Donc, voilà. ils ont même fait les chœurs. Les jeunes ingénieurs du son, ils ont fait les chœurs sur certains morceaux du dernier album. Oui, on les fait participer, ça, c'est sympa. D'accord. Bah, c'est bien, parce que souvent les musiciens, on le dit de plus en plus aujourd'hui, les musiciens, tout à l'heure vous avez parlé, vous faites votre musique, composition, auteur, compositeur, interprète, vous faites des démarchages. Mm-hmm. Vous faites aujourd'hui, les musiciens sont de plus en plus amenés à faire de la technique, hein, c'est-à-dire mm-hmm. que se servir de d'ordinateur, d'enregistreur pour pouvoir faire des choses, mm-hmm. travailler à distance aussi. Donc voilà, et il y a toujours le mélange entre l'art et la technique, c'est des choses qui sont des fois un petit peu opposées, mais finalement qui se marient bien, et on trouve les bonnes personnes. Ouais. Voilà, on arrive à essayer de sortir le maximum d'émotions avec le matériel qu'on a à notre disposition aujourd'hui. Il faut dire quand même qu'on est bien gâté, parce que on a quand même par rapport à une certaine époque où ils avaient juste un enregistreur et ils s'enregistraient comme ça dans les années 50-60, ce qui a quand même laissé des standards qui ont été enregistrés dans ces conditions-là et qu'on écoute encore aujourd'hui avec beaucoup de plaisir. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup plus de matériel, beaucoup plus de connaissances sur la musique, et ça nous permet d'avoir des enregistrements de très haute qualité quand même. Il faut quand même le dire. C'est vrai. Voilà. Après, il faut trouver les bonnes personnes, parce que le matériel, c'est bien beau, mais si on sait pas s'en servir. C'est ça. Et puis, il y a aussi une chose qui est importante dans le cursus à Malakoff, c'est qu'en fait, les équipes s'impliquent aussi sur le volet artistique. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont force de proposition sur certaines chansons. Ils peuvent très bien nous dire, écoute, là, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut faire. Tu devrais peut-être essayer comme ça. Mm-hmm. On n'arrive pas, nous, avec une idée très arrêtée, en fait. Moi, comme je leur dis toujours, je leur dis, moi, j'ai pas forcément raison. Donc, surtout si j'ai tort, dites-le moi. Et ça se passe comme ça très bien. Très bien. Voilà. C'est vrai que moi j'entends parler de fois de petits problèmes qu'il peut y avoir entre les techniciens et les musiciens, parce que effectivement des fois les musiciens ont une idée en tête, les techniciens doivent réaliser derrière. Donc s'ils peuvent pas réaliser exactement ce que le musicien veut, ou alors vous trouvez que c'est pas vraiment bien, donc il y a un dialogue qui doit y avoir entre il y a une entente. Ouais, il faut qu'il y ait une ouverture d'esprit tout simplement. Pense qu'il faut écouter l'un et l'autre. Hein. Parce que chacun veut, en vérité, quand il y a ce genre de petite dispute, on va mettre ça entre guillemets, c'est justement parce que chacun veut apporter quelque chose de mieux. Voilà, oui, chacun veut améliorer. Donc, en discutant, on arrive toujours à trouver un compromis et puis à faire ce qu'on veut faire. Parce que c'est un petit peu dommage. Hein. Il y a certains groupes comme ça qui ont fait leur musique, ils ont été un peu connus, et puis après ils se retrouvent entre les pattes de personnes qui essaient de leur faire faire autre chose, et ça c'est un petit peu dommage aussi. On a vu plusieurs fois dans la carrière d'artistes qui ont fait super premier album, et puis après derrière on dit ouais mais c'est plus tout à fait le même essence, c'est plus tout à fait, bah oui, parce qu'ils sont guidés par d'autres personnes qui pensent plutôt à un côté commercial qu'artistique. Dans le milieu comme ça, s'il y a un producteur derrière, si c'est lui qui amène l'argent, il dit bah voilà, moi j'ai envie d'entendre ça parce que c'est moi qui paye. Voilà. Bah oui, voilà, c'est comme ça. Hein. comme pour beaucoup de choses dans la société actuelle. Évidemment qu'on est un producteur et de l'argent. Non mais c'est vrai. Moi, je suis prêt à jouer n'importe quoi. Pas moi. Je suis une bonne fille. Très bien. Bah oui, après il faut voir les deux côtés, mais bon. Là, je vois Jack qui commence à se dire non, il y a quand même le côté, voilà, l'essence même du groupe à garder, quoi. Et puis oui, il y a une identité maintenant. Effectivement, ouais. Moi, je suis pour avoir fait beaucoup de studios. J'ai toujours été ouvert à la parole des autres, aux conseils qu'on pouvait me donner, à éviter aussi certaines erreurs. Et c'est vrai que le fait aussi de travailler avec des professionnels, ça tire vers le haut, donc forcément on est à l'écoute et moi j'ai besoin de ça en fait. J'ai besoin que les gens me disent bah écoute non, là ce que tu fais c'est naze, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Tiens, je te suggère ça, essaie, tu verras, ça devrait fonctionner, et effectivement ça fonctionne. Donc voilà, je vois pas pourquoi je me priverais de ça en fait. Ah oui, tout à fait. Non mais ça me fait plaisir de voir de ton raisonnement, parce que moi je vois des gens des fois qui sont même jeunes et qui ont l'impression on va rien leur apprendre, ils savent tout, etc. Oui, parce que justement ils sont jeunes, c'est pour ça. Peut-être, ouais. Je pense qu'avec d'accord. L'âge peut-être ça s'agit, et on se dit des fois tiens, il y avait des conseils que les vieux m'avaient donné à une époque, ils avaient peut-être raison, et puis aujourd'hui j'ai pris de l'âge et puis je comprends un peu ce qu'ils voulaient me transmettre, etc. Donc c'est aussi l'espérance de la vie, et je pense qu'une journée où on n'apprend pas quelque chose, c'est une journée perdue. C'est bien d'apprendre à tout âge. Donc, c'est un peu comme les instruments, hein. Si on le travaille pas tous les jours, au bout d'un moment on n'apprend plus rien, et puis la vie n'est pas intéressante. C'est donc ça. Il faut toujours être à la recherche de nouvelles idées, de nouvelles choses pour après que nos idées viennent se greffer dessus, et puis qu'on continue de progresser. Absolument. Très bien, donc on va écouter un deuxième morceau de cet album. Alors on va peut-être les lire à la suite, hein. Ça sera le mieux. Donc je mets mes lunettes pour pouvoir lire. Donc le deuxième c'est Freight Train. C'est ça. Ouais. Ce qui veut dire. L'anglais c'est pas. Freight Train, c'est un train de marchandises en fait. D'accord. C'est une chanson, c'est un hymne, au standard de blues, parce que le train de marchandises a quelque chose de mythique dans l'histoire du blues entre le sud et le nord. Les Noirs qui prenaient le train pour monter à Chicago. D'accord. Voilà, donc c'est un peu ça l'histoire. Donc on va écouter le train de marchandises. On l'entend au début du morceau. C'est un train à vapeur, hein, j'imagine. Très bien. Donc on écoute tout de suite The Uncle Bikers.

bien la musique en direct, il est 20h. Voilà, on revient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel après avoir écouté pas mal de musique. On a fait une petite pause au milieu de l'émission, hein, parce que pratiquement on vient de passer la moitié de cette émission Mavrika. Alors on a écouté, je suis pas sur la bonne page, voilà, je change de page sur mon ordinateur. On a écouté deux gigs avec Let Me Show You, et juste avant c'était les Twister Cover avec Falling Rain. Voilà, vous êtes dans l'émission Mavrika, c'est sur Radio Arc-en-Ciel, et nous sommes ensemble jusqu'à 22h avec le groupe The Uncle Biker, dont on vient d'écouter aussi un morceau. Le morceau, bon, mes lunettes, je viens de casser la branche, donc c'est un petit peu embêtant, j'ai perdu la petite vis. Ça s'appelle Freight Train, voilà, un morceau qu'on a écouté au début de cette série musicale. Voilà, alors moi je me suis un petit peu emmêlé les crayons parce que je voulais faire parler notre ami Florent qui nous écoute, hein. Donc ce que je vais faire, je vais baisser un petit peu le son, on va essayer de voir si on peut le récupérer à nouveau, hein. C'est un petit enregistrement que j'avais mis qui est pas parti, voilà, ça arrive, hein. C'est comme ça dans l'émission Mavrika, c'est comme ça partout, hein. Des fois ça se passe pas comme on voudrait, donc j'attends un petit peu et voilà, je vais vous renvoyer le petit message donc de notre ami Florent, voilà, c'est parti. Je vais enregistrer. Le son en direct, je sais pas si tu l'entends, mais j'ai bien la musique en direct, il est 20h, il est 20h29 sur Radio Arc-en-Ciel. En direct. En direct, donc c'est notre ami Florent qui enregistre. Alors il y a un petit peu de décalage puisque effectivement je devais l'envoyer tout à l'heure et puis il y a un petit peu de retard. Donc notre ami Florent qui est revenu de ses vacances au Portugal et qui nous fait les podcasts. Donc vous aurez l'enregistrement très prochainement, le podcast de l'émission Mavrika que Florent nous partagera très rapidement et puis on le mettra sur le mur du Facebook de Mavrika l'émission. Tout simplement, et comme ça vous pouvez le réécouter si l'émission vous a plu, l'écouter si vous l'avez loupé, et puis aussi si vous avez envie de la conserver, vous pouvez la conserver puisque vous pouvez télécharger le fichier et puis le conserver pour les années qui viennent. Voilà, ça sera un très bon souvenir dans quelques temps. Donc le passage des Uncle Biker dans l'émission numéro 585. On retourne avec eux, donc on a écouté un peu de musique, on a écouté plein de choses différentes, hein. On a écouté les Twister Cover, vous les connaissez, non? Oui, pas personnellement, mais je connaissais leur musique, oui. Très bien. Donc, un groupe qu'on a reçu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel il y a quelques temps, quelques années déjà, hein, ça fait un petit moment. J'ai eu l'occasion de les voir très dernièrement en concert. Et puis, quand ils veulent, ils reviennent ici pour nous parler de la suite de leurs aventures, voilà, tout simplement. Et puis, on a écouté, tout à l'heure, on avait parlé d'un groupe qui s'appelle The Gig. Et voilà, on a écouté justement un de leurs morceaux. Et puis, ça nous fait plaisir de le faire découvrir parce que c'est un groupe qui est venu il y a pas très très longtemps dans les studios. Et franchement, il nous a bien plu, en tout cas. Ouais. Voilà, donc on va continuer à découvrir cet album qui s'appelle Riding All Night, le nouvel album des Uncle Biker. Où est-ce qu'on peut se le procurer, cet album-là? Je vais laisser mes amis répondre. Ah bah, de toute façon, oui, via les plateformes, hein, Facebook, via Messenger, enfin voilà, quoi. On peut vous communiquer, on vous demande et puis Oui, tout à fait, oui. Bah, on n'a pas un circuit de distribution, en fait, on fait comme d'accord. On fait tout nous-mêmes, hein. Oui, oui. De toute façon. Donc effectivement, si on veut se procurer l'album, il suffit juste de nous contacter sur notre page Facebook, par exemple, il y a aucun souci. Très bien. Voilà. Et puis lors des concerts aussi. Ah bien oui, entendu. Oui. Avec notre petite valise, voilà. D'accord. Justement, est-ce qu'il y aura des concerts prévus sur la région orléanaise, puisque... Alors sur la région orléanaise, eh bien parlons-en. Tiens, justement. Ouais, j'ai contacté effectivement quelques lieux. Bon, pour l'instant, j'ai pas eu de réponse. À mon avis, ce sera plutôt à partir de l'automne. D'accord. Voilà. Ouais, parce donc, que j'ai contacté en fait des gens qui fonctionnent en fait, qui font leur programmation soit à l'année, soit au semestre. Donc ah ouais. Donc ce sera certainement pour l'automne. Alors c'est vrai aussi que j'ai essayé aussi de contacter des salles un peu plus grandes, un peu plus voilà. Donc ça c'est faut, comme je disais tout à l'heure, faut de la patience. Voilà. D'accord, très bien. Voilà, j'espère aussi un jour réussir à retrouver des gens que j'apprécie beaucoup, le club de motards à Ingré, Je m'en balèque. Je m'en balèque, oui. Voilà. Donc voilà, j'ai discuté avec eux et puis bon, je pense que ça se fera, mais quand, je ne sais pas. Voilà. Très bien. Justement, on parlait tout à l'heure d'un monsieur qui s'appelle Benoît, donc le marchand, bah, il nous envoie un petit message, justement, parce que j'ai mis la petite affiche. Alors, la petite affiche des Uncle Biker, aujourd'hui, à 19h, c'est une petite affiche qui est faite par Georges, qui est notre webmaster, qui se trouve au Portugal. D'accord. Donc, c'est fait là-bas, directement. Donc, à chaque fois, il me demande les coordonnées du groupe, et puis il va chercher des images, et il nous fait un petit montage, bien sympathique, en tout cas. Et donc, il nous l'avait fait pour votre précédent passage, mais comme vous n'êtes pas venu, ben il l'a gardé et puis on l'a rediffusé là. Voilà, c'est pas perdu. En tout cas, un bon petit message. Donc, et donc Benoît nous dit hello la team, la Dream Team carrément, du blues rock qui décoiffe. Bonne émission, la bise à tous, Ben. Voilà notre ami Ben. Voilà, on parlait de lui tout à l'heure. Ouais. Le batteur que tout le monde s'arrache, quoi. C'est ça. Très bien. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à le retrouver dernièrement. C'était la semaine dernière, c'était à l'Argonaute. Ah oui. Donc il était dans le groupe Prisma avec ils ont fait un super set, et juste avant il y a une découverte, donc un groupe qui s'appelait GDM, je dirais pas raison, parce que j'en sais rien. Si, en vérité, j'ai un petit doute, mais bon, je suppose, mais je c'est le dirai pas. C'est un peu comme NTM, quoi. Ouais. Donc, GDM, en tout cas, qui ont bien assuré, hein, les petits jeunes, donc la relève du rock'n'roll est assurée. Et ça, on est content, hein, parce que c'est vrai qu'on, quand on va au concert, on a les gens qui aiment le rock'n'roll, le blues, c'est des gens qui commencent à être un peu vieillissants et ils commencent à avoir des cheveux blancs. Et on est content d'avoir des jeunes avec nous, parce que finalement, il n'y a pas de... On n'est pas sectaire, on se dit pas c'est une musique pour les jeunes, pour les vieux, c'est une musique pour tous ceux qui aiment la bonne musique, tout simplement. Hein. Voilà, le rock and roll et le blues, c'est ça, quoi. En tout cas, ça pas d'âge. C'est la musique qu'on aime. Et en plus, toutes les musiques d'aujourd'hui viennent un peu de là aussi. Hein. Comme disait Johnny Hallyday, toutes les musiques que j'aime viennent de là, du blues. Ben, c'est-à-dire qu'en fait, oui, si on part de ce principe, effectivement, sans blues, pas de rock and roll, pas de jazz, pas de tout ça. Ouais, c'est ça. Donc et puis après il y a énormément de musiques qui sont venues justement du mélange de différentes cultures, et puis il y a des gens qui étaient pas faits du tout pour se rencontrer. Il y avait des gens qui étaient venus par exemple aux États-Unis, des gens qui étaient venus pour travailler, qu'on a un peu forcé à venir, hein, parce qu'ils sont pas venus de leur plein gré, et qui avaient beaucoup de richesses dans leur culture et qui l'ont apporté et qui l'ont mélangé avec la culture de ceux qui les ont fait venir, qui n'étaient pas les personnes d'origine non plus des États-Unis, parce que les gens d'origine c'était les Indiens. C'est et il y a eu grâce au mélange justement des musiques qui sont apparues et qui font aujourd'hui, qui sont devenues aujourd'hui internationales, puisque tout le monde écoute ces genres de musique là parce que finalement et chaque pays se réaccapare cette musique qui était à l'origine américaine. Aujourd'hui elle est retournée en Afrique, elle est retournée en Europe, elle est retournée partout, et c'est la musique que beaucoup de gens écoutent, en tout cas. C'est universel. C'est universel. Voilà. Et elle continue de s'enrichir encore aujourd'hui avec encore des nouvelles cultures, des nouvelles tendances et tout ça. Donc, voilà. Donc, on va continuer à parler de cet album. Alors, on a écouté déjà deux morceaux. Hein. Le troisième morceau, alors, il s'appelle « Love is so blind ». Voilà. Oui. Alors, tout à l'heure, on avait commencé à parler aussi de justement du train de marchandises là, donc on avait évoqué. Il y avait d'autres choses à rajouter sur cette chanson-là, non? Ou... Non. Alors, c'est vrai qu'au niveau des textes, peut-être c'est un peu différent du premier disque. Là, alors sans être, je vais pas dire engagé, mais les chansons sont un peu plus, comment dire, un peu plus acides, un peu plus amères. Voilà. D'accord. Mais bon, c'est peut-être avec le Covid derrière, non? Non, je sais pas. Ça vient comme ça. Non, c'est comme ça. J'ai pas d'explication, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc effectivement, Freight Train, train de marchandises. Mm-hmm. Et puis après, Love is Sublime. Donc là, c'est une chanson dont Jean-Pierre a composé la musique. Moi, je n'ai fait qu'écrire le texte. Donc voilà, et c'est plutôt bluesy, c'est plutôt sympa. Mm-hmm. C'est Ben Le Marchand qui joue la batterie. D'accord. Tout à fait. Très bien. Voilà. Bon, on va l'écouter, hein. Je pense que c'est le mieux, hein. On va faire comme ça. On va écouter donc le troisième morceau de cet album qui s'appelle Riding All Night. Et le morceau que nous allons écouter s'appelle Love Is So Blind. Et c'est le groupe The Uncle Bikers qui est présent dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour cette émission numéro 585 qui interprète ce morceau. C'était les Sonic Like avec un superbe morceau qui s'appelle, je suis en train de chercher le nom en même temps, donc c'est pas évident, The Color of the Sky. Voilà, j'ai juste le temps de regarder parce que j'avais regardé juste avant mais je m'en souvenais plus. Voilà, c'est comme ça, c'est mon grand âge qui s'avance. Donc les Sonic Like qui seront avec nous le 22 mars. On vient d'écouter donc un de leurs morceaux et vous connaissez sûrement, si vous connaissez pas le groupe, vous connaissez peut-être le chanteur qui s'appelle Christian et qui était le chanteur des Goodbye Watson que nous avons reçu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour des émissions et aussi pour un Maverick Alive il y a quelques temps. Voilà, on revient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel parce que nous sommes avec The Uncle Bikers et on... ouais. Ouais, on est ensemble, on passe un bon moment et c'est vrai que le temps défile très vite. On a découvert déjà la moitié des morceaux, il nous reste l'autre moitié à découvrir encore et le temps passe très très vite. Donc je suis en train de regarder les horaires, mais bon, ça va, on est dans les temps, on n'est pas non plus trop en retard ni trop en avance. Voilà. Donc on est ensemble jusqu'à 22h et on va découvrir tout sur le groupe The Uncle Bikers. Voilà. Donc on a parlé tout à l'heure des projets, des concerts. Donc on a vu, il y avait une date sur, oui, c'est ça, et puis d'autres, oui, qui vont venir, qu'on pourra. Oui, ça va tomber là, je les attends là. Ça va tomber et puis on pourra les retrouver sur le Facebook de The Uncle Biker. On le trouve facilement, hein. Oui, absolument. Il suffit. Voilà. Facebook.com/ The Uncle Bikers. Voilà, tout simplement. Et si vous avez Facebook et vous n'avez pas tout retenu, vous allez sur le programme de l'émission Maverica, il y a tous les titres qu'on a diffusés ce soir, et dedans, il y a The Uncle Biker, il y a le petit lien, donc vous cliquez dessus, et vous tombez directement sur le Facebook des The Uncle Bikers. Voilà. Donc voilà pour les concerts, donc déjà des idées pour un prochain album. Oui, en fait, je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la matière, elle est là, parce que bon, moi, j'écris pas mal de, enfin, j'écris pas mal de chansons comme ça, ça dort dans un dossier, et puis si ça doit ressortir, ça sortira, voilà. Mm-hmm. Ouais, c'est dans un tiroir, il y a un tiroir avec plein d'idées. C'est ça. D'ailleurs, il y avait certaines chansons aussi qui étaient déjà sorties, que vous avez interprétées, qui faisaient déjà partie du répertoire des Stingers aussi. Oui, dans le premier album. Dans le premier album Never Stop, il y a effectivement quelques chansons qui effectivement faisaient partie du répertoire de Stinger. Quand Stinger a arrêté, j'ai repris mes compositions et puis je les ai proposées. Bah oui, tout simplement, parce que de toute façon, tu as bien fait. Voilà. Puisqu'on avait cette opportunité de l'enregistrer à Malakoff, donc j'ai dit écoutez, voilà les gars, j'ai une proposition pour un enregistrement. La seule condition, c'est évidemment d'être présent au studio, mais c'est en fait, ils ne veulent que de la composition originale. Ils veulent pas de groupe de reprise. D'accord. Et voilà. Donc j'ai dit écoutez, voilà, si vous êtes OK pour le faire, j'ai les compos, il suffit simplement qu'on les retravaille. Voilà. Bon, oui, il faut après adapter au groupe, hein, parce que forcément. Oui. Et puis ça s'est fait comme ça. Mais oui, des idées, ça c'est pas les idées qui manquent, c'est sûr. D'accord. Donc pour le prochain album, il y a déjà des chansons qui trottent déjà un petit peu dans ta tête. J'ai un autre projet qui est en train de naître là, faire quelques chansons plus acoustiques en fait. D'accord. Voilà. Bon, c'est voilà. C'est dans le... Mais c'est avec le groupe ou toi tout seul Non, ce sera avec le groupe. Avec le groupe. D'accord. Ouais. Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc ça sera peut-être une idée pour la prochaine émission de Maureka. Vous répétez ici dans les studios. Avec grand plaisir. Parce que là ce soir, vous n'avez pas apporté les instruments. Non. Ce soir, on avait un album, un très bon album à écouter. Voilà. Franchement, les trois premiers morceaux que je, il y en avait un que je connaissais. Les deux autres, je les ai découverts. Franchement. Super, hein, j'ai adoré le dernier qu'on écoutait, Love is So Blind, vraiment le côté blues, oui, avec ses guitares qui grincent un petit peu, génial, donc j'ai hâte de découvrir les trois autres morceaux, donc c'est ce qu'on va faire ensemble dans la prochaine heure qui vient, et on parlait de projets. Est-ce que vous voulez pas faire des clips vidéo, des choses comme ça aussi en plus, non? Alors on a quelques vidéos de concerts, bien sûr, on a notamment les deux fois où on a réalisé le concert au plan Aris-Orangis, on a eu effectivement l'intégralité du concert filmé par l'équipe cinéma de l'école d'ingé son de Malakoff. D'accord. Avec une qualité là qui est qui est très professionnelle. Et puis on a forcément bien sûr au gré des concerts, toujours on fait des petits teasers avec des morceaux de vidéo qu'on récupère à droite à gauche. Alors le son est pas forcément bon, mais très bon, mais en tout cas ça donne, je pense, une bonne image du groupe, enfin de ce que ça donne, voilà. Parce que l'important, à mon sens, le son, la qualité du son, bien sûr que c'est important, mais c'est surtout en fait ce que le groupe donne qui, à mon sens, est plus important. C'est vrai que pour le son, à la limite, le CD suffit. Voilà. Je crois qu'on est même plus attentif au son quand il n'y a pas l'image. Je sais pas si vous savez, mais pareil. Oui, c'est-à-dire oui, que quand il y a une image, on est, notre cerveau, il regarde l'image aussi, et donc il capte un petit peu moins le son. Quand on ferme les yeux et qu'on écoute un album, là, on est vraiment à l'affût du moindre petit bruit. Donc, les albums sont très bien pour écouter le son. Et après, il y a une autre dimension, c'est qu'il faut aller voir les groupes en concert, parce que là, il y a les lumières, il y a la couleur, il y a les odeurs, il y a tout ça, hein. Oui, et puis il y a aussi le spectacle. C'est-à-dire qu'en fait c'est avant tout du spectacle, donc il y a forcément, ça bouge, c'est bon, voilà, donc il faut que ça vive, voilà. Ouais, et puis après il y a aussi le retour des personnes qui sont là, qui assistent au spectacle, le public qui est là. Ouais. Donc quand le groupe se démène sur scène, que le public réagit bien comme il faut, je pense que là il y a une ascension qui se fait, crée. Et c'est vrai qu'on a aussi eu quelques opportunités de concert qui ont été signés après justement un concert et des personnes qui sont venues nous voir en disant, bah écoutez, voilà, moi je fais partie d'un club de motards, moi je fais partie d'une association, et est-ce que vous voulez venir jouer chez nous? Donc voilà. Ah ouais, d'accord. Bah, c'est comme ça que ça se fait. Hein. Ouais. Avec les rencontres, il faut les provoquer aussi, les rencontres. Hein. Il faut faire des concerts, il faut aller. Et les gens aussi, c'est pareil, comme moi qui adore la musique, ils vont aussi au concert. Et puis des fois, quand ils font des découvertes de groupes qui sont pas encore venus dans l'émission, eh ben je les fais venir dans l'émission. Et d'autres les font jouer aussi dans leur association, etc. Donc voilà, c'est comme ça qu'on arrive à faire découvrir les groupes. Et puis justement, le nouveau projet que vous allez avoir là, donc en acoustique, ça va vous permettre peut-être de jouer aussi dans des scènes plus petites. C'est un peu l'objectif aussi. Dans des bars ou dans des trucs comme ça, parce que effectivement, avec la formation que vous avez actuellement, vous jouez quand même du son électrique et orienté pour des belles scènes. Quoi. Oui, voilà. Absolument. Ouais. Ou en tout cas des endroits où effectivement on peut envoyer un peu les watts, quoi. Ouais. Mais j'aime bien. Enfin, d'ailleurs, on verra tout à l'heure sur le dernier morceau du disque. J'aime bien aussi moi les ambiances un peu intimistes parfois. Ouais. Et ça peut être effectivement une opportunité aussi. Voilà. Puis je vais arrêter de parler, je vais laisser parler mes collègues parce que tu parles très bien. On va encore me dire qu'il y a que moi qu'on entend. Ça nous a permis avec mon frère à moi de manger notre sandwich. Non, c'est pas fait. Non, mais des projets, bah, évidemment, quand on est dans une formation comme ça, qu'on voit qu'on a pu en quelques années faire des choses enrichissantes, on a envie d'en avoir d'autres et d'en suivre d'autres projets. C'est stimulant. Et puis voilà, c'est la finalité, c'est effectivement de jouer. Voilà, que ce soit sur scène, enregistrer, être ensemble et puis partager. Notre énergie, notre engagement dans cette aventure-là, voilà, c'est une tranche de vie qu'on vit, on veut la vivre le mieux possible. Ouais. Très bien. On voit que vous aimez les enregistrements, vous aimez la scène, mais vous êtes plus un groupe de scène ou un groupe de studio? Pour ce qui me concerne, je préfère la scène et de loin. Oui, parce qu'il y a le contact direct avec le public. Moi j'ai eu l'occasion de te voir de nombreuses fois avec plusieurs projets différents sur scène. Oui, c'est vrai que franchement, on voit que tu es transporté par le public. C'est ma deuxième maison. Voilà. Donc la scène, c'est une chose. Après les enregistrements, c'est aussi pour graver quelque chose, pour garder quelque chose et pour pouvoir aussi le diffuser. Puis l'enregistrement. Si je mets de côté l'aspect stressant de la chose, ça fait toujours un peu monter la pression. Mais non, le gros avantage du studio, en fait, c'est que ça oblige à une rigueur. Et ça, forcément, ça tire vers le haut parce qu'on on se doit d'être au meilleur, de donner le meilleur de soi-même. Et voilà, la scène, ça passe plus par l'énergie, donc c'est deux mondes un peu différents qui sont complémentaires, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est deux aventures quand même différentes. Et moi, je préfère de loin la scène. Voilà. Alors je sais pas eux. Naturellement, la scène c'est la récompense directe. Le studio, c'est la récompense. Elle est plus tard. Le produit est fini, on est heureux. Ouais, mais c'est aussi quand t'es sur scène, t'es face à un public. Quand t'es en studio, t'es un peu face à toi-même parfois, parce que t'es par rapport à ce que tu dois faire, la rigueur, le faire le mieux possible. Et alors que sur scène, on n'est pas tout seul, on est aidé. Il y a une solidarité qui pendant les enregistrements studio c'est une démarche plus individuelle. Ça demande une rigueur, ça demande pour certains. Et ça ne doit pas être facile. Ça ne doit pas être facile de se réécouter aussi. Hein. Ça, c'est que vous avez toujours l'esprit critique. Vous êtes en train de chercher le petit défaut. C'est vrai que ce qui est difficile aussi, c'est que quand on est tout seul en cabine et que de l'autre côté de la vie, il y a tous les autres qui se marrent. Oui, j'imagine ça. Oui, parce qu'on se détend quand même. Hein, ouais, parce que c'est, oui, non, c'est non, une leçon d'humilité. Voilà, absolument, on est très très humble. Ouais. Mais c'est vrai que quelque part aussi, c'est vous êtes vraiment concentré. C'est une concentration et la prise. Vous voulez que la prise soit bonne parce que une prise qui est loupée, après il faut la refaire. À la fin, c'est du stress, c'est de l'agacement et, et donc bon, il faut essayer de la réussir. Mais après, des fois, il y a des circonstances qui font que c'est pas toujours évident. Et puis des fois, il peut y avoir aussi un petit truc qui va déclencher quelque chose, une émotion, et qui va faire qu'on va garder cette prise-là plutôt qu'une autre, même si elle est pas parfaite, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, voilà. Donc c'est toujours la magie, hein. C'est quelque chose qu'on découvre au fur et à mesure, qu'on construit tout doucement. Ouais. Et vous enregistrez quand vous faites des répétitions, non? Alors ça nous arrive, oui, parce que c'est pareil, on parlait tout à l'heure en dehors des compositions, on fait des reprises aussi. D'ailleurs, le choix des reprises, c'est un choix démocratique et chacun amène sa pierre à l'édifice. Mais généralement, c'est des morceaux pas tellement connus en fait, de groupes connus, par exemple. Hein. Mais on va reprendre des choses. Là, dernièrement, on reprend un morceau des ZZ Top que moi je trouve formidable. Quoi. Et puis, mais en fait, on essaye des choses et reprises. Et si effectivement il y a quelque chose qui se passe, c'est généralement comme ça qu'on fonctionne. Ça va assez vite. Et puis surtout, c'est que bon bah voilà, on prend notre pied à les jouer, autant que les compositions d'ailleurs. Et c'est du bonheur. Mais c'est généralement, on essaye de même les Stones et ainsi de suite. On a un répertoire de quelques chansons stoniennes. Je sais pas pourquoi. Moi non plus. Vous ne voyez pas. C'est très étrange. Mais le choix est un peu comme ça quand on essaye de trouver les bons. Celles qui sont pas. Est-ce qu'il y a des morceaux que vous avez décidé de reprendre et puis finalement vous dites non, ça va pas. On essaye, finalement ça se passe pas. Il y a un truc, non, on garde pas. Non. Non, jusqu'à présent, c'est arrivé pour certains morceaux. Ça peut venir pas forcément de. C'est peut-être. Il faut une adhésion totale, non pas à l'idée, mais à la réalisation. Et parfois, un des musiciens ne se sent pas à l'aise sur ce morceau-là, ou ça n'arrive pas à rentrer en morceau, donc ça boite un peu. Donc, tout à fait. Bon, c'est pas non plus dramatique. Hein. Il y a tellement de morceaux, et puis faut que ça corresponde à tout le monde. Comme disait Pascal, effectivement, quand on essaie une nouvelle reprise, par exemple, on l'a travaillé juste avant de l'essayer la première fois, et que la première fois ça s'emboîte, et qu'on le joue la deuxième fois et que c'était encore mieux. Bon, c'est un signe. C'est un truc. Ouais, c'est, voilà. C'était et vraiment fait pour vous, quoi. Voilà, c'est aussi la même chose pour les compositions. Il y a des choses où on adhère tout de suite, et d'autres on sent que ça va demander plus de temps. Mais il n'y a pas vraiment de. Enfin, c'est difficile d'avoir la recette parce que je me souviens il y a deux ans, il y a des morceaux, des reprises, on avait même des compositions, on avait beaucoup de mal, on se dit on va pas y arriver, puis aujourd'hui on les joue comme des furieux. Ah ouais, après c'est. On voudrait les jouer deux fois de suite, enfin bon. Ouais, voilà, donc il n'y a pas vraiment de recette, mais bon, comme c'est un collectif, évidemment, il faut que le collectif soit d'accord sur la façon de faire, l'envie de le jouer, sinon on n'impose rien. Si on n'est pas libre en musique, on est mort. Hein. Ouais, c'est clair. Très bien, mais je crois qu'on est tous un peu pareil. Moi, par exemple, il y a des musiques qui m'accrochent tout de suite, et finalement, des fois, elles accrochent tout de suite, et finalement, se lassent aussi très rapidement. Et inversement, il y en a certaines dans lesquelles on a du mal à rentrer. On se dit au début, c'est un peu compliqué, et puis finalement, elles rentrent, et puis au bout d'un moment, et cette chanson-là, des fois, 10 ans après, on les aime toujours autant. Donc, il n'y a pas de recette. Hein. Je crois que c'est dans l'émotion du moment. Et des fois, ça correspond. Hein. Par exemple, à un moment, je vais aimer plus une chanson, à un autre moment, je vais préférer une autre, et puis après, je vais peut-être revenir à l'ancienne. Et voilà, c'est comme ça, on est en échangeant. Hein. C'est l'esprit humain, on est comme ça. Hein. On comprend pas toujours tout ce qui se passe dans nos têtes, hein, mais c'est comme ça. Voilà. Surtout ce qui est au niveau émotion. Hein. C'est l'insoutenable légèreté de l'être. Très bien, on continue à découvrir cet album. Oui. Donc, le prochain morceau. Alors, j'ai réussi à remettre la vis dans mes lunettes. La branche, mais elle est juste emboîtée comme ça, donc il faut pas que je la perde. Mais je vais quand même prendre. Ouais, c'est des trucs qu'on ne dit pas dans les radios et la télévision. Mais nous, on aime bien parce qu'il y a le côté humain. Plus que le côté technique. De toute façon, ça fait partie de la vie. Voilà. donc, c'est Rye and Gin. Voilà. Donc, alors ça c'est une chanson sur la picole. Oui, c'est ce que je croyais comprendre. Ouais. Donc le rye, eh bien c'est un whisky fabriqué avec une seule sorte de grain. Voilà. D'accord. Ben, on en apprend des choses. Voilà. Voilà. Dans le, c'est voilà, c'est notamment dans le sud des États-Unis. Et le gin, bah, on fait pas de dessin. Hein, c'est, d'accord, ouais, c'est l'alcool qui rend fou chez les Anglais. Voilà. D'accord. Ok. Alors tout ça, c'est permis à partir du moment où on boit avec modération. Bien sûr. Mais dans la chanson, c'est pas dit comme ça. Ouais, c'est pas dit comme ça. Bon, ça, on le corrige parce que c'est en anglais de façon. c'est en anglais, donc à la limite, c'est pas bien grave. Mais nous, on va dire ça comme ça. Et puis le rock and roll, c'est sans modération. Ça, on peut l'écouter au. Sans problème. Même après plusieurs heures, on en a jamais marre. Et puis, donc, on va écouter ce morceau. C'est le quatrième de cet album qui s'appelle Riding All Night. Et c'est le groupe The Uncle Biker. Assis sur du béton. passé sans me voir. Cruautés à talons, piétine en nos espoirs. De vos sourires bidons, que veux-tu? Allô, allô, la terre, ici, vagabond. Pour une gorgée de travers dans le dos des frissons. Pas très cool nos hivers, sans toi dans la ville. Juste une porte cochère, et mine dans ta gueule. Je veux tout. Ici, vagabond. Des poings levés se dressent, peau de fer, peau de fesses. Je ne vois que vos bas comme des rats vous trottés. Je respire vos pas, je ne peux pas vous aimer. Pas très cool nos hivers sans toi dans la ville. Juste une porte cochère et ma haine dans ta gueule. On revient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel avec nos invités The Uncle Biker. On a écouté un morceau qui s'appelle Rye Engine. Et juste après, on a écouté l'invité de la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, on reçoit ici le groupe Doren Lo. Doren avec un tiret Lo plus loin. Et c'est notre ami Pierre Doran Lo qui a constitué ce groupe-là. Ils sont venus en 2023, ils reviennent en 2024. Donc, à mon avis, il y a de l'actualité. Donc, on passera un bon moment avec eux. Et le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle Allô la Terre. Voilà. On est en train de découvrir le nouvel album des Uncle Biker, Riding All Night. Donc, un album qui a six morceaux superbement enregistrés. Et un vrai bonheur. Franchement, moi, j'ai écouté les morceaux les uns à la suite des autres. Là, on est en train de découvrir les titres au fur et à mesure. On va écouter encore deux autres morceaux avant la fin de l'émission. Et c'est vrai que c'est un vrai plaisir. Bon, en même temps, The Uncle Biker, j'étais déjà convaincu, hein, parce que c'est franchement, j'aime bien votre style de musique. Je vous ai déjà vu en concert. Et c'est vrai que c'est la musique, je crois, qui plaît beaucoup. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui aiment votre style de musique. Je sais pas, mais ça passe partout. Tous les gens aiment ce style de rock and roll, quoi, en tout cas. Et oui, plus de rock and roll. Je pense que, enfin, je sais pas à moi de dire si c'est bien ou pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un style, je pense, qui fédère. Oui, oui, je crois. Qui rassemble. Après, bon, on aime ou on n'aime pas, ça c'est autre chose. J'ai rien à dire là-dessus. Mais je pense qu'effectivement, ça fédère. Ça rassemble. C'est le rock blues. Bon, bah voilà. Voilà. Oui, pour toutes les générations, pour tous les styles, voilà. Et puis de là, effectivement, des fois, on va à des concerts où c'est assez typé, donc très hard ou très metal ou très bon. Il y a plusieurs styles différents. Et bon, des fois, il faut être un petit peu quand même dans cette culture-là. Alors que là, franchement, c'est la musique que tout le monde peut écouter, tous les âges. En fait, moi, j'appréhende toujours ça, enfin en tout cas pour ce qui est de la composition, même si c'est rock'n'roll, même si c'est blues, moi je pars toujours du principe qu'avant toute chose c'est une chanson. Voilà. Oui, tout à fait. Et voilà, c'est tout. Donc on écoute des chansons de rock'n'roll et de blues. Justement, votre style de musique, qu'est-ce que ça serait? Moi, on dit depuis tout à l'heure le rock'n'roll, le blues, est-ce que vous avez un style particulier? Oh ben c'est très typé rock 60-70. Vos influences, on a cité déjà une tout à l'heure. Il y a peut-être d'autres. Hein. On a parlé tout à l'heure des Rolling Stones. Parce que franchement, ça c'est un groupe qui a mis en valeur le blues, des morceaux anciens qu'ils ont remis au goût du jour qui ont permis de faire connaître de grands artistes américains. Parce que forcément, on a découvert à travers les Rolling Stones des morceaux et on s'est intéressé à l'origine. Et puis quand on a écouté les morceaux à l'origine, on s'est dit waouh. Il y a des super et même les Américains eux-mêmes, grâce aux Rolling Stones, ont redécouvert des artistes de leur pays, quoi, qu'ils avaient complètement ignoré. Ça c'est quelque chose d'important. Donc les Rolling Stones, il y a d'autres groupes. On a parlé tout à l'heure des Doors, peut-être, non? À cause de la pluie. À cause de la pluie. Mais en fait, on n'est pas un groupe de tribute. On joue la musique qu'on aime et ce qu'on a écouté effectivement dès qu'on s'est intéressé à la musique. Donc ça fait une palette qui pourrait être large, mais en fait il y a des points de repère. Effectivement, les Stones, il y a les Doors, il y a Clapton, Dylan, ouais. Voilà. Mais comme dit justement Jack, tout ça, plus que les artistes, c'est plutôt des chansons qui nous ont accompagnés, qu'on a envie de jouer, quoi. Qu'on a envie de, comme on les a aimés, on veut pas les quitter, quoi. Donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur, et c'est les jouer, c'est de revivre plein de choses et plein d'émotions. Puis à chaque fois aussi, parfois, on s'est attaché à des chansons qui ont été proposées par les autres membres du groupe. Donc on a découvert effectivement, moi je connaissais pas bien comment il s'appelle l'artiste qui chante Freedom. J'ai découvert cette chanson, on la joue, et c'est j'ai écouté plus de morceaux et j'ai découvert un artiste voilà, qui est aussi puissant que les Stones ou autres. Donc dans le répertoire c'est assez éclectique en fait, mais c'est il y a une espèce de colonne vertébrale qui est ce respect, enfin cette intégration émotionnelle à cette époque-là. Très bien. Ce que tu me dis, ça me rappelle aussi, moi, dans l'émission, des fois je reçois des gens et puis ils amènent aussi des fois des clés USB où ils veulent nous faire découvrir d'autres artistes. Et c'est là justement, je me dis, moi je fais mon émission, je suis là pour transmettre justement la passion des invités auprès des auditeurs. Mais moi-même, je capte aussi pas mal de choses. Et des fois, on me fait découvrir des artistes. Et ah bon, non, je connais. Ouais. Ouais, pourtant, je connais comme ça de nom, mais sans vraiment m'intéresser. Et après, on écoute un morceau à la radio. On dit ouais, c'est pas mal. Et puis je rentre chez moi. Et puis je suis un peu curieux. Donc aujourd'hui, sur Internet, on retrouve pas mal de choses. Et puis on redécouvre des artistes. On dit effectivement, je connaissais déjà ça, mais finalement, quand je l'ai écouté, là, je me dis la pêche qu'il y avait, tout ça. On redécouvre à nouveau des choses. Et puis ça se transmet. Hein, c'est culturel. Hein. C'est vrai que quand on a des amis qui nous initie à quelque chose, ben on va plus facilement. Alors que de nous-mêmes, on ira peut-être toujours vers dans le même sens. Mmh. Alors que là, de temps en temps, il y a des gens qui nous proposent autre chose de différent, et puis on fait des découvertes. Et c'est comme ça aussi qu'on s'enrichit. Hein, donc, et vous, comme vous les interprétez, c'est encore moi j'écoute, vous interprétez. Donc vous accaparez justement ces morceaux-là qui sont des fois des standards, des fois des morceaux qui sont moins connus. On a cité quelques artistes, mais vous reprenez des morceaux de qui encore? De bon, les Stones, c'est évident. Dr. Feelgood. Dr. Feelgood. Ah oui, ouais, qu'on adore. J.J. Cale. J.J. Cale, ouais. Ah ouais, ça j'ai. Moi je me souviens, moi j'avais découvert avec Cocaine, super chanson. J'étais gamin. Bon, ça date pas d'aujourd'hui. Ah, c'est sur l'album Troubadour, ça date de 72. 72, oui, bon. Voilà. Ah, je m'y intéressais déjà. Ouais, c'est vrai que je suis tombé un peu dans la marmite quand j'étais petit. Hein, et j'ai découvert beaucoup d'artistes plus tard, hein, mais des artistes des années 60 et tout ça, c'était quand même notre culture. Je me souviens que moi, quand j'étais jeune, dans les années 70-80, on aimait bien remonter aux années 60, avant, je pense que c'était les années 50, il y a chaque année. Puis aujourd'hui, on voit les jeunes, des fois, ils retournent aux années 80, aux années 90, et voilà. Donc on aime bien un peu revenir en arrière parce que c'est un peu les origines de la musique qu'on écoute aujourd'hui. Ah, puis, oui, oui. Il y a des choses qui nous ont marquées, puis on est resté avec ça, quoi. D'autres artistes encore? Oui, bah, Hervé citait une chanson qui s'appelle Freedom, c'est Colin James, c'est un bluesman canadien qui est fort peu distribué en France. Bon, je connais une association dans Lyon, ils connaissent ça par cœur parce que ce sont des grands spécialistes. Voilà, mais ouais. C'est vrai que voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas très connu. Que dire d'autre? On reprend deux morceaux qui sont des Beatles, mais qui ont particularité, je dirais, par exemple, Come Together. Il y a aussi une version d'Aerosmith qui transpire un peu. Et, il y a aussi de Why My Guitar Gently Weeps. Et c'est une version qui a été tellement interprétée. Reprise, oui. Si on se base sur la version primitive, on en est proche, mais on en est très loin, puisque on est passé par toutes les interprétations. Puisqu'on a peur de rien, on reprend aussi un morceau de Pink Floyd. D'accord. Mais encore une fois, j'ai dit un morceau, mais c'est une chanson. C'est une chanson. Ouais. C'est voilà. Une chanson vraiment qui me plaît beaucoup. Wish You Were Here. Oui. Et, ah oui. Voilà. Donc voilà, c'est à la fois des artistes. Bon, et évidemment, si on doit faire un sondage de l'ensemble des reprises, le premier groupe c'est les Stones, répertoire 4-5 morceaux que voilà, et puis c'est étonnant, mais enfin bon. Et deux morceaux de Dylan aussi. Oui, c'est pas un hasard. Voilà. Et puis maintenant on va placer nos compositions, on pousse un peu là c'est votre essence, c'est votre jus, c'est c'est. Et en plus, vous êtes pas sectaire parce que vous reprenez des morceaux des Stones et des Beatles aussi, souvent on les a opposés alors qu'en vérité rien ne les opposait puisqu'ils avaient la même passion, ils étaient amis. Mais bon, il y a eu ce petit truc là qui a été un petit peu lancé peut-être par les producteurs, les maisons de disques pour essayer de dire voilà. Je crois que le trait de génie des producteurs et des managers de l'époque, c'est justement d'avoir fait deux choses complètement différentes. En fait, bon, il y avait pas de gentils Beatles et de méchants Rolling Stones. C'est la légende. Oui, ça c'est la légende parce que les Beatles c'était pas clean non plus. mais c'est les Rolling Stones, ça savait. Oui, ça c'est sûr. mais en fait, c'est l'image qu'on en a fait au départ. Ah bah oui, de toute façon, c'est une image. Hein, il faut voir les artistes. Je regardais il y a pas très longtemps, c'était. Je suis en train de chercher le nom. Muriel Moreno, la chanteuse des Niagara. Voilà. On a l'image d'elle d'une grande personne, tout ça, sur la scène, tout ça. Et elle disait, non, moi je fais 1m60, je suis dans la moyenne, je suis pas très grande, mais tout le monde croit que je suis très grande, tout ça, parce que c'est l'image donnée par la télévision. Ouais. C'est la manière de filmer, la manière de... Ouais. Voilà. Donc, et c'est un peu pareil, c'est des images qu'on donne des gens, les artistes jouent un rôle un peu aussi, hein, et après, dans leur vie de tous les jours, ils sont pas exactement pareils que l'image qu'on veut donner, hein. Donc voilà, c'est important de connaître les gens sur scène, mais aussi voir les vraies personnes qui sont derrière. Mmh. Des fois, c'est comme des comédiens. Hein. Entre ce qu'ils jouent dans un film et ce qu'ils sont dans la vie, c'est pas tout à fait pareil, quoi. Mais bon, voilà. Voilà, c'était bien de le dire, quoi, je pense. Très bien. Voilà, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Hein. Donc, il nous reste encore deux chansons à découvrir. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'aurait pas abordé, que vous avez envie d'aborder par rapport au groupe Non, je pense que là, on a fait le tour. Mm-hmm. Voilà. Je pense que, ben oui, on a fait le tour de l'information, des projets et de du fonctionnement du groupe. Ben non, voilà, je crois mm-hmm. que c'est clair. Oui, juste une petite chose. En fait, c'est. Depuis le temps ça fait pas longtemps qu'on joue ensemble, mais c'est vrai que c'est fait aussi de rencontres. Hein, on parlait tout à l'heure de Ben, moi que je ne connaissais pas. Mm-hmm. Donc j'avais déjà vu effectivement sur une vidéo quand il jouait avec Singers. Mais voilà, et bon, bah, c'est des belles rencontres, quoi. Voilà. Donc, mm-hmm. Et on en fait pas mal depuis qu'on a commencé. Donc ça, c'est sympa. C'est bien que tu juges Ben venant d'un batteur, je crois que c'est. Non, mais on s'est tout de suite compris. Hein. De toute façon, on a pas mal discuté hein, tous les deux, et puis je veux dire, la sauce, elle a pris tout de suite. Il y avait aucun souci. Moi, j'étais incapable de jouer. Hein, je veux dire, je pouvais plus tenir les baguettes. Enfin, je pouvais surtout plus m'asseoir. Surtout ça. Qu'avais-tu fait? C'est gênant là. Bon, alors, j'avais une sciatique. Hein, voilà. Je tiens à dire. Voilà. Non. Non, mais finalement, les batteurs sont fragiles parce que la semaine dernière, on a reçu Elixir qui devait faire un concert à un moment et qui a pas pu l'assurer parce que le batteur s'était cassé l'épaule, je crois. Mais effectivement, un batteur, s'il a pas ses deux bras, c'est même pas la peine, quoi. Et donc, il faut qu'il soit en pleine forme physique pour pouvoir. Parce que c'est quand même physique. Tu me diras, les autres aussi. Je vois des fois quand Jack il transpire sur scène, c'est parce qu'il bouge. Hein, il faut le voir bouger. Oui, et puis les autres musiciens aussi. Hein. Bon, les batteurs, ils sont assis. Oui. Ah oui. En même temps, ils sont assis. Ouais. C'est vrai. Oui, c'est vrai qu'il y a. Ouais. Parce que on dit jouer du piano debout, mais les batteurs debout, j'en connais pas beaucoup. Les batteurs des Stray Cats. Ah oui, oui. Après, oui, effectivement, avec une caisse claire ou des choses comme ça, ouais. Ouais. Non, mais c'est. Jack, effectivement, t'as raison. Il doit perdre 2 ou 3 kilos par concert. Il mouille bien la chemise. Je sais pas faire autrement. Voilà. Désolé. Non, mais c'est vrai que c'est un plaisir de voir Jack sur scène parce que il vit la musique. Il est vraiment. Je me souviens d'une fois où c'était sur Olivet, la fête de la musique, et tu étais en train de jouer avec. Je me souviens plus c'était quel projet. Je me souviens plus. T'étais devant moi, et puis moi, je faisais des grands signes, et puis t'étais tellement à fond que tu me voyais même pas. Et moi, j'étais là, Non, mais c'est sûr. Donc, je me suis dit, voilà, il est en train de, il est dans sa musique, dans son truc. Je suis dans un autre monde, en fait. C'est une autre dimension. Ouais, tu arrives à te projeter comme si tu étais ailleurs, ou je sais pas. Je vais pas faire une disserte là-dessus, mais en fait, je fais le vide. En fait. D'accord, ouais. Ouais, mais j'imagine. Voilà. Donc, je suis tout seul avec moi-même. Mais j'écoute les autres quand même. Ouais, c'est ça. C'est mieux. Oui, la musique, c'est écouter et entendre, surtout. On entend, là. Ouais, j'avais appris aussi des choses. Par exemple, les animateurs de radio, il faut qu'ils s'imaginent une personne qui est devant eux. Par exemple, là, moi, je vous ai devant vous, donc c'est facile. Par exemple, quelqu'un qui fait de la radio tout seul, il se retrouve dans un studio, il faut imaginer qu'il a l'impression d'être vraiment seul, alors qu'en vérité, il parle à de nombreuses personnes, et il faut qu'il s'imagine une personne. Donc, il paraît qu'il y a des radios dans lesquelles on projette l'image d'une personne, il faut le savoir. Il y a eu des études qui ont été faites, il y a des radios qui projettent l'image d'une personne en face, de manière à ce que la personne qui est au micro ait envie de parler à cette personne-là. Donc il paraît que ça change complètement le comportement. Ce qu'il faut aussi, c'est quand les animateurs sont tout seuls et qu'il n'y a pas cette projection, c'est qu'ils arrivent à se concentrer sur la personne à qui ils voudraient parler. Voilà, c'est un petit truc comme ça. Et donc, je pense que quand tu es sur scène, c'est un peu pareil. Hein, c'est-à-dire que tu as envie de parler au public que tu t'imagines, quoi, finalement. Ce qu'il y a... Enfin, ça dépend aussi de mon petite ou grande scène, mais, ouais. Mais en fait, déjà de base, on voit pas forcément les gens. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mm-hmm. C'est-à-dire que tu vois pas, t'as les lumières dans les voilà. yeux. On voit un public, mais et là, tu dois t'imaginer les personnes, les différentes personnes ouais, qui peuvent ouais. t'écouter mm-hmm. et comment t'adresser aux différentes personnes que. Voilà. Et puis voilà. de toute manière, il faut y aller. Donc voilà. Donc, voilà. En fait, si on prend le dernier concert qu'on a fait là chez les Bad School Brothers, mm-hmm. En fait, oui. On peut même aller voir le public oui. et chanter avec eux. D'ailleurs, c'était un super concert, honnêtement. C'était, mais voilà. parfois, on peut frôler l'incident. Voilà, quoi. N'est-ce pas, Hervé? Voilà. Bah, ouais. Non, bah, mon frère a failli finir sans sa chemise. Quoi. Enfin, bon, bah, ah, d'accord. Ah, ouais. Je sais pas pourquoi. Par les groupies, là, qui l'ont arraché. Il y avait quelques agités EES. EES. Ah, ouais, d'accord. Mais je sais pas, j'étais concentré, j'ai rien vu. Mais nous, on a la vidéo. D'accord. Bah, ça me rappelle un peu Claude François à l'époque, quoi. C'est ça. Bah, voilà. Allez, bon, je me souhaite pas la même carrière. Enfin, nous, on n'est pas les Claudettes, hein, donc. La même fin. Faut pas changer d'ampoule quand on est dans la salle de bain. Surtout ça. Des douches. Très bien. Bon, voilà, c'est des petites anecdotes comme ça qui restent. Et puis, ça fait partie de l'histoire. Et vous savez pas quand vous allez monter sur une scène ce qui va se passer dans les minutes, dans l'heure qui vient, quoi, finalement. C'est clair. Ouais. Vous pouvez tenir sur scène combien de temps? Actuellement, on a 40 morceaux au répertoire. Ah ouais, donc, ah ouais, quand même. Morceaux, ouais. 40, ça doit faire au moins 4 heures. Oui, après, si vous voulez rallonger un peu et tout ça, ouais. Habituellement, c'est deux sets d'une heure et quart. Ouais, voilà. Mmh. Et en concert, c'est deux petites heures. Mmh. Mmh. Ouais, ça fait donc perdre des kilos, effectivement, j'imagine. Ouais, c'est sûr. Très bien. On écoute le morceau suivant. Oui. Alors, on en est où? On avait parlé d'alcool déjà tout à l'heure. Donc maintenant, c'est The Tale of Joy D. C'est ça. Alors, ça parle de quoi? Alors, c'est un road movie. Ouais. Enfin, j'ai écrit ça un peu comme un film. C'est l'histoire d'un tueur qui est en cavale. Mais ça parle aussi surtout d'indifférence et de peine de mort. Voilà. D'accord. Et j'ai choisi ce nom, Joe Hedy. C'est un hommage aux Rolling Stones, c'est étonnant. Hein. Voilà. Ah ouais, je vois pas pourquoi. Ouais, parce qu'en 73, ils avaient écrit une chanson qui s'appelait Dancing with Mr. D. D'accord. Et le D veut dire death. Voilà. Ah, d'accord. Donc voilà. C'est avec la mort, quoi. C'est ça. Très bien. Ok, bon, écoutez le morceau tout de suite. Hein. Donc c'est finalement, il est positif ou il y a quand même une petite amertume derrière? Non, ça finit mal. Ça finit mal. Hein. Alors, c'est même pas une amertume, c'est carrément ça finit mal. Voilà, très bien. Mais ça fait un bon morceau de rock, c'est important. Ben, on va le découvrir tout de suite. Alors, c'est parti. avec nous, viens avec nous, petite. Tu pleures quand tu parles du bonheur. Te crois pas, non, si maudite. On vient danser, on vient chanter. Donc on vient d'écouter deux morceaux à la suite. Voilà, on est dans l'émission numéro 585. Nos invités sont The Uncle Bikers. Ils sont ici présents dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Ils sont tous là, sauf un. Voilà. Donc il y a Hervé, il y a Pascal et Jack. Ils sont ici présents. Et il manque Jean-Pierre. Ce sera pour la prochaine fois. Voilà. Il n'a pas pu venir aujourd'hui. La prochaine fois, de force. Voilà, on est là pour découvrir cet album, donc le nouvel album qui est sorti au mois d'octobre 2023. Donc il est tout chaud, hein, et si vous voulez le procurer, il suffit de contacter les artistes, donc par l'intermédiaire du Facebook, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, Facebook On peut passer par le site, la page sur zikinf.com. D'accord. Même chose, zikinf.com/theunclesbikers. Et les titres sont en écoute. Il y a plein d'infos, il y a des concerts à venir et il y a une messagerie aussi. Donc, d'accord. Voilà. Très bien. On peut écrire là-dessus. Et puis, il ne faut pas négliger non plus la page sur YouTube pour les vidéos. Aussi, oui. Voilà. Donc il y a les vidéos dont tu m'as parlé que j'irai voir, parce que c'est vrai que moi effectivement j'ai peut-être survolé un petit peu, mais je les ai pas regardées dans l'intégralité. Donc YouTube, faut taper Uncle's Bikers et voilà, on tombe sur la page. Voilà. Très bien. Voilà, autre chose à rajouter. Et après aussi au concert. Et au concert, donc des concerts. On peut annoncer la date que tu as déjà. Le 9 mars. Le 9 mars. C'est en Seine-et-Marne. C'est voilà. C'est à Mouroux. C'est pas très loin de Coulommiers. D'accord. Voilà, c'est un café associatif qui s'appelle La Conserve à Musique, et c'est aussi un studio de répétition et d'enregistrement. D'accord, donc voilà, c'est voilà. Ils font un peu de tout, quoi. Ils font un peu de tout, et notamment, il y a une salle attenante au studio, et donc il y a une scène, c'est un café associatif, c'est très sympa, et très accueillant. Et ils font des concerts toutes les semaines. Voilà. Donc c'est pour ça, il faut pas hésiter à faire à en parler justement de ces endroits-là, parce que vous allez vous produire là-haut justement. Et il faut savoir aussi que sur Radio Arc-en-Ciel, on peut nous écouter sur la FM dans la région orléanaise, mais dans le monde entier, hein, heureusement, grâce à Internet, donc sur le www.radio-arc-en-ciel.fr. Voilà. Et vous pouvez écouter en direct dans le monde entier. Et j'en connais une qui est en train de le faire. Je pense aussi régulièrement. C'est vrai que souvent la FM maintenant, les gens l'écoutent beaucoup dans leur voiture et tout ça, parce que tout le monde n'a pas encore Internet sur les voitures, mais dès qu'ils sont chez eux, souvent les gens maintenant, c'est souvent l'ordinateur qui sert à écouter la radio. Pas que, hein. Il y a aussi encore les postes de cuisine en FM. Oui, oui. Voilà, mais sinon, c'est vrai que les gens, une fois à la maison, bah, ils peuvent toujours nous écouter. Ou alors des fois, ils disent, ouais, j'étais pas dans la région, j'ai pas pu écouter. J'ai dit, mais t'as pas d'excuses, parce qu'on peut nous écouter partout dans le monde. Et d'ailleurs, ça nous fait plaisir de savoir des fois des gens à l'étranger qui nous envoient des petits messages en disant, on vous écoute de tel endroit, de Suisse, de Belgique, d'Espagne, tout ça, ça nous fait plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous, hein, même que si vous êtes dans un autre pays, parce que sur Radio Arc-en-Ciel, on reçoit de bons artistes, ils ne sont pas forcément tous de la région orléanaise, hein. La preuve, vous venez d'un peu plus loin, et nous on est ouvert, hein. Si des groupes veulent venir des États-Unis ou de l'Australie, il n'y a pas de souci, on les accueillera avec beaucoup de plaisir. Bon, ça sera un peu plus compliqué pour moi, pour la langue, mais on se débrouillera, qu'on a la même passion, on arrive toujours à se comprendre. La musique, c'est universel. Voilà, donc on va annoncer à nouveau les artistes qui vont venir dans les prochaines semaines. Tout à l'heure, j'avais déjà dit, donc on avait reçu, on va remonter jusqu'au mois de février, c'était le 2 février, on a reçu les Tranches à Calispress qu'on a écouté tout à l'heure. On a reçu le 9 février Twangy and Tom Trio qu'on a écouté aussi tout à l'heure. On a écouté, on a reçu aussi le 16 février Will and Guys qu'on vient d'écouter à l'instant, Viens danser, le titre qu'on a écouté à l'instant. On a aussi reçu le 23 février, c'était les Elixir la semaine dernière. Donc aujourd'hui, ben, vous êtes au courant, pour cette émission numéro 585, c'est The Uncle Bikers. La semaine prochaine, ça sera Doreen Lowe, donc le 8 mars. Le 15 mars, Drive to Amnesia, un groupe qui est déjà venu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Ils avaient une chanteuse à l'époque, aujourd'hui c'est un chanteur. Donc ça a un petit peu changé la formation, on va découvrir leur évolution. Le 22 mars, ça sera Sonic Lag qu'on a écouté tout à l'heure. Le 29 mars, ça sera Chaparville, donc un groupe que j'ai connu par hasard, au hasard des rencontres, justement. Il y avait un guitariste qui était venu au Maverick Alive qui m'avait parlé d'un autre groupe, un autre projet qu'il avait, et donc il m'a présenté ce groupe-là, et puis il est prévu donc pour le 29 mars, Chaparville. Le 26 avril, ça sera le groupe Jash, un groupe qui a déjà participé à un Maverick Alive, qui était en stand-by pendant un certain temps et qui reviennent. J'ai déjà vu pas mal de photos et ils m'ont contacté pour venir dans l'émission Maverica, et avec beaucoup de plaisir je les recevrai. Le 24 mai, ça sera BRS Band, encore une découverte dans l'émission Maverica. Et le 17 mai, le groupe La Jarry, qui revient régulièrement dans nos studios et qui en 2023 n'est pas venu à l'époque de Noël, parce qu'ils avaient l'habitude de fêter Noël un petit peu avec nous, et là ils reviennent un peu plus tard, mais ils viennent avant une date très importante, c'est le samedi d'après, donc le week-end d'après, ça sera le 24 si je me trompe pas, ou quelque chose comme ça, ça sera le Rock in Rebrèche où la Jarry se produira. Donc restez avec nous, écoutez Radio Arc-en-Ciel, hein. Vous pouvez nous écouter sur internet, vous pouvez nous écouter sur la FM, et puis sur Radio Arc-en-Ciel il y a plein d'émissions différentes. Chaque animateur a sa propre couleur de d'émission, et le vendredi soir, bah, c'est les artistes de la région et d'ailleurs qui viennent dans l'émission et qui viennent nous parler de leurs projets. Donc ben ce soir nous recevons The Uncle Bikers. On a découvert cet album. Alors cet album qui franchement moi j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écouter et je crois que demain il va tourner sur la platine encore à nouveau. Parce que là j'ai bon il y avait un morceau que je diffuse déjà depuis pas mal de temps, les autres je les ai découverts et là je crois que demain ben, je vais m'en imprégner encore un peu plus parce que c'est la musique qui fait plaisir. En plus moi j'aime bien, je le mets chez moi comme ça toute la famille écoute comme ça et voilà et dit ouais c'est bien et tout ça. Voilà. Donc un superbe album qu'il faut se procurer absolument hein, ça c'est important. Ah oui, bien sûr. Essentiel. Essentiel. Voilà. Vous êtes à la radio, est-ce que vous avez un petit message à faire passer auprès des auditeurs? On vous aime. Voilà, déjà. Ben, on espère déjà venir se rencontrer voilà. Sur scène. Prochainement, sur scène, dans le public. Dans la région orléanaise et ailleurs. Voilà. Mais en tout cas, je tiens à te remercier, Albino. Moi aussi, je vous remercie parce que franchement, moi, c'est toujours un plaisir. Parce que c'est un, voilà, on parlait de d'échange, de partage, de voilà, c'est grâce à toi que j'ai découvert le reste des musiciens et ainsi de suite. On découvre là de plus en plus de personnes. Donc c'est des gens qui viennent de plus en plus dans la famille Mavrika, la Mavrika Family, ça c'est important. Et l'émission Mavrika, au début, moi, j'ai commencé à passer des morceaux enregistrés et je me suis dit mais si je fais ça toutes les semaines, j'ai un peu m'ennuyer. Parce que passer des disques, aujourd'hui il y a des ordinateurs qui savent très bien le faire, donc on met ça sur un programme et puis ça diffuse pendant toute la nuit. C'est ce qu'on fait aussi sur Radio Arc-en-Ciel quand il n'y a pas d'animateur, on va pas vous le cacher. Mais la radio c'est aussi des rencontres, c'est aussi recevoir des gens, c'est aussi dialoguer. Et pour moi j'aime bien ce côté là qui aujourd'hui il n'y a plus beaucoup de radios qui font ça malheureusement, et je me suis dit comme ça je fais la radio que j'aurais eu envie d'écouter, et je suis pas le seul à le dire. C'est très bien, c'est très très bien. Ils m'ont dit voilà, t'as quelque chose que les radios n'ont plus aujourd'hui. On a perdu un petit peu ce côté humain. Ouais. Même si des petits couacs, des petits machins comme ça, c'est en direct live. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Mmh. Et vous, les musiciens, quand vous jouez, c'est pareil. Quand vous jouez en live, vous prenez des risques. Des fois, il y a aussi des petits couacs. Il y a des incidents. Voilà. Et c'est le côté humain qu'on aime parce qu'aujourd'hui, avec des machines, vous pouvez très bien mettre une boîte à rythme à la place d'un batteur. Mais après, il y a le côté humain qui n'est pas là. Donc, on a besoin de petits imprévus, de choses comme ça dans la vie de tous les jours. Voilà. Donc, autre chose à rajouter? Oui, on peut se quitter sur le dernier titre du disque. Ouais, ça, de toute façon, il est prévu, hein. Donc, le dernier morceau s'appelle Hey Mama. Hey Mama. Voilà, c'est une chanson sur la solitude. D'accord. Voilà. Que nous n'avons pas vécu ce soir, au contraire. Et c'est la solitude et le manque. Voilà. Par rapport à la chanson qu'on a écoutée juste avant, donc avec Joey D. Oui. Justement, ça m'a rappelé une histoire. C'était une phrase, quoi. Simplement, c'est il faut jamais la prendre trop au sérieux parce que de toute manière, on n'en sortira pas vivant. C'est ça. Donc c'est un peu la même chose, quoi. Finalement. C'est un peu la même chose. Donc voilà, on va se quitter avec ce morceau-là. Mais avant, on va dire les phrases magiques. La première, c'est que le rock and roll soit avec vous. Une vie sans musique serait une erreur. Et everything is gonna be alright. Voilà, c'est ce qu'on souhaite en tout cas pour le monde. Yes. Même si on n'est pas vraiment orienté dans ce sens-là actuellement. Mais c'est un peu compliqué en ce moment. C'est un peu compliqué, mais bon, je crois que ça a toujours été compliqué depuis que je suis tout petit. Moi, je suis né après la guerre, après la première bombe atomique. Après, il y a toujours eu le truc entre l'équilibre entre les puissances nucléaires. Ça a toujours, de toute façon, on a toujours été au bord de la catastrophe, de l'abîme. Ouais. Et donc, je pense qu'il faut pas en arriver là. Et puis, il faut continuer à vivre en profiter chaque jour un peu plus, parce que c'est ça le plus important. Ouais, couper la télé et écouter de la musique. Des fois, il vaut mieux. Ça ira beaucoup mieux. Ouais, parce que des fois, ils nous disent aussi écoutez Mavrika. Écoutez Mavrika. Écoutez aussi des bons albums sur vos platines, ça c'est important aussi. Ouais. Et que ce soit une platine laser ou une platine vinyle, il n'y a pas de problème. Ou même des cassettes si vous en avez encore. et justement, des fois, il vaut mieux un peu se couper du monde et puis se concentrer sur de la bonne musique. Voilà. C'est ça le plus important, en tout cas. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être venu, d'avoir fait le voyage, hein, parce que vous avez un petit peu de route à faire encore. Ça devrait être plus tranquille pour le retour, là. À moins que des tracteurs aient obstrué les machins. Dans ce cas-là, vous êtes obligé de rester là jusqu'à 4 heures du matin. Non, pas deux fois quand même. Non. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, on va découvrir donc le dernier morceau. Le dernier morceau qui s'appelle, tu m'as dit... Hey Mama. Voilà, tout simplement, un morceau sur la solitude. En tout cas, merci beaucoup. On va souhaiter aux auditeurs aussi une bonne soirée, une bonne nuit, un bon week-end, une bonne semaine. Et rendez-vous la semaine prochaine avec Doreen Lowe dans l'émission numéro... 586. Voilà. J'ai tout à l'envers. 586. En tout cas, vous avez bien retenu, c'est la 585e émission dans laquelle vous êtes venu, The Uncle Bikers. On écoute le dernier morceau de la soirée et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Why can't you live in bliss?